avec nous l'un des intervieweurs de René Dumonde il y a 50 ans. Bonjour François de Closet. Bonjour. Journaliste et essayiste, alors spécialiste des sciences et de l'économie à la télévision. À vos côtés, l'un des disciples de René Dumonde. Bonjour Marc Dufumier. Bonjour. Agronome, enseignant-chercheur, René Dumonde a été votre professeur et directeur de thèse, vous lui avez succédé à l'école AgroParisTech et vous présidez la fondation René Dumonde. René Dumonde, souvent présenté comme un prophète du malheur parce qu'il annonce alors les catastrophes à venir, pollution, surconsommation, bétonisation, épuisement des ressources, déséquilibre nord-sud. Il est l'un des premiers à batailler contre la voiture, on va le voir dans l'émission. Il prône la sobriété, pas encore la décroissance, mais dit-il une autre croissance. Et François de Closet, dans l'émission que nous allons voir, il fait face à un scepticisme quasi général. Oui, il faut voir une chose, c'est que les années 60 ont été des années du scientisme triomphant. Oui. Moi, j'étais journaliste scientifique, là j'arrivais au journal télévisé, chaque fois que j'avais une information à donner, « Ah, on va faire ci et on va faire ça !» Tout était formidable et on pensait que la science, le progrès scientifique avait réponse à tout. Ce que vous manifestez dans l'émission d'ailleurs, vous dites plusieurs fois René Dumonde, la science, le progrès scientifique va résoudre ces problèmes. Et ce qu'on va voir, c'est que l'intuition de ces premiers écologistes était entièrement exacte. Simplement, eux, ils ont cru que tout allait s'effondrer à la fin du siècle. Ils n'ont pas vu que la science pourrait reporter. Mais on ne fait que reporter les échéances. Et la folie, c'est de croire qu'on peut supprimer le problème. C'est pas vrai. On peut retarder la solution, mais je suis pas sûr qu'elle soit pas pire quand on l'a retardée. René Dumonde vient alors de faire paraître l'utopie ou la mort. On verra, Marc Dufumier, il y a beaucoup de choses évidemment qui sont datées dans le discours de René Dumonde. On est juste avant le premier choc pétrolier, c'est important de le souligner. Mais là où sa vision est prémonitoire, c'est quand il dénonce une génération indifférente aux générations futures. C'est très intéressant, c'est un discours qu'on a aujourd'hui. Quand il affirme que nous sommes dans un monde fini, ça c'est une idée qui est contestée dans l'émission sur le plateau, alors que c'est une évidence, que l'humanité est menacée dans son existence même et que la société de gaspillage vit ces dernières décennies. Voilà tout ce qu'il profère. Absolument. Donc René Dumonde était un lanceur d'alerte. Il a un peu avant les autres averti qu'effectivement, on faisait un usage inconsidéré, alors évidemment, des énergies fossiles. Hein, et alors aujourd'hui, on peut en reparler effectivement très fortement. Et que notre forme d'agriculture, eh ben, elle était un peu la cause de drames. Et y compris, il racontait pas que l'agriculture, il racontait aussi les inégalités à travers le monde, la famine à travers le monde, et l'idée que là-bas, les peuples du Sud, qu'on qualifiait du tiers-monde à l'époque, pourraient se nourrir par eux-mêmes. Et aujourd'hui, je dirais, c'est pas être scientiste, hein, mais être scientifique, c'est de savoir qu'on peut faire un usage très intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, du carbone, du gaz carbonique pléthorique de l'atmosphère pour fabriquer nos hydrates de carbone, l'azote de l'air pour fabriquer des protéines, et tout ça quasiment sans recours à l'énergie fossile. Donc la science a considérablement progressé. Je dirais que le René Dumonde un peu malthusien, moi je crois que le planning familial et le contrôle des naissances ça a des vertus, hein, soyons clairs, mais on ne savait pas encore à ce point qu'on pourrait faire une agriculture écologiquement intensive, intensément écologique. Et donc oui, la science peut parfois aider à trouver des solutions qui ne sont pas pires que les solutions antérieures, cher monsieur. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution sans la science, mais qu'il n'y a pas de solution uniquement avec la science. Si on s'imagine qu'avec la science, on va pouvoir continuer à vivre comme ça sans problème, non. Si on s'imagine qu'on va pouvoir contrôler les dérapages actuels sans faire recourir à la science non plus. On a besoin et de volonté politique et de s'appuyer sur la science. Et c'est le mérite de René Dumonde d'avoir signalé ça. Il disait, alors vous, dans l'émission, on voit bien qu'il est presque traité d'anticapitaliste. Hein. Oui. Eh ben oui, oui, il faut manifester qu'il ne peut pas y avoir de solution écologique sans justice sociale. Et donc oui, il y a des questions bien politiques, il faut les aborder de fond, mais vous avez totalement raison. Mais allons-y, n'attendons pas. Mais on va le voir dans un instant. Il se revendiquait à l'origine comme socialiste. Il est assez élogieux du modèle chinois de l'époque aussi, hein, il faut le dire. Mmh. Et puis effectivement, il faut lutter, dit-il, contre la surpopulation. C'est l'une des des menaces qu'il pointe. Voici donc Actuel 2, présenté par Jean-Pierre Elkabbach sous le titre Le futur impossible, diffusé le lundi 7 mai 73 à 20h30 sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Et le mystère des archives télé fait que les premières minutes que vous verrez sont en noir et blanc et le reste de l'émission en couleur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sans un mot, de Dakar à Dakar, des millions d'hommes vont peut-être mourir de faim en 1973. Une sécheresse exceptionnelle frappe l'Afrique noire, l'Amérique centrale et le sous-continent indien. Si personne n'intervient, si personne et si rien ne change, la sécheresse pourrait faire plus de victimes silencieuses que la guerre du Vietnam. Je sais qu'il n'y a pas de quoi pleurer, la faim des autres n'a jamais empêché de dîner. Mais cette fois, gaspillage, abus et injustice peuvent avoir assez rapidement des effets sur la vie quotidienne des Occidentaux. Le président Pompidou disait récemment qu'il fallait revoir le problème alimentaire dans le monde, mais les solutions ne sont pas faciles à définir et à faire appliquer. Après les experts du Club de Rome, après M. Sico Mansolt, un Français, René Dumont, propose des mesures d'austérité, une sorte de plan de survie. C'est tout le problème de la croissance économique, de l'organisation et l'avenir du monde, du style de vie, du cadre et de l'avenir, de la qualité de la vie qui est posée sur le plan international et national. Le professeur René Dumont enseigne à l'Institut national d'agronomie. Il est connu pour avoir dit leurs quatre vérités aux chefs d'État de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie, de Castro à Mujibur Rahman. Pour l'interroger, François de Closet, que vous connaissez tous, INF2, Hugues Vincent Barbe, directeur du Nouveau Journal, François Le Lyonnais, conseiller scientifique, et Gérard Moiti de l'hebdomadaire Les Informations. Professeur René Dumont, vous annoncez, et nous le verrons, des catastrophes. Vous faites partie de ceux qu'on a appelés les prophètes du malheur et qui proposent des mesures draconiennes pour assurer la survie des sociétés d'aujourd'hui. Je crois que si on vous laissait faire, vous interdiriez assez vite la voiture privée et vous supprimeriez assez vite les allocations familiales. De quoi être impopulaire ? Pourquoi ces mesures ? Oui, la voiture privée, parce que c'est une mode de civilisation qui est absolument inacceptable moralement, parce que on ne peut pas la généraliser à l'échelle mondiale. Ehrlich nous dit, en Californie, chaque fois que vous avez 1000 habitants de plus, 1 km carré est perdu pour l'agriculture, surtout du fait de l'automobile privée. Je reviens du Bangladesh, où il y a, dans beaucoup de districts, plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Alors, si nous leur proposons notre civilisation, évidemment, il ne reste plus de terre à cultiver, et la famine est encore plus rapide. Tout à l'heure, vous avez dit famine de Dakar à Dakar, de Dakar à Dakar. Mais la sécheresse n'est pas arrêtée à Dakar. Elle a été jusqu'en Chine. En Chine, la récolte, qui était de 250 millions de tonnes d'aliments de base en 71, est tombée à 240 millions en 72. C'est-à-dire que la réduction a été de quelque 2%. Donc c'est que là-bas, quelque chose a été fait contre la sécheresse, c'est-à-dire un travail énorme d'irrigation et de contrôle de l'eau que le subcontinent indien, que le Bangladesh n'a pas fait. Par conséquent, ce n'est pas là des choses inéluctables. On peut lutter. L'allocation familiale, c'est simplement parce que actuellement, l'explosion démographique atteint des proportions insoupçonnées. En 1931, en Indochine, j'avais dit que l'augmentation de population qui atteignait à l'époque 1% par an était dangereuse. Il y a de cela 42 ans. À l'époque, tout le monde avait souri. Mais depuis 42 ans, la population de l'Asie méridionale a presque doublé. Et maintenant, je reviens du Bangladesh, 75 millions d'habitants sur un territoire qui n'est pas le quart de la France sans industrie, avec dans certains villages des fermes qui n'atteignent pas la moyenne de 40 heures, des villages qui ne produisent pas 9 points de leur nourriture et qui ne produisent rien d'autre. Je me demande comment ils survivent. Alors, mais en quoi cela nous concerne-t-il ? En quoi ça nous concerne ? Eh bien, je ne sais pas, si le tiers-monde se révoltait, nous ne serions pas directement visés. Supposez par exemple que le tiers-monde se mette d'accord pour ne plus nous ravitailler en pétrole. Notre civilisation est arrêtée immédiatement, donc ils ont des moyens. Mais pourquoi vous en prenez-vous aux pays développés quand vous parlez de croissance démographique ? Eh bien, parce que ce sont eux qui gaspillent et qui polluent le plus. Les États-Unis, qui n'ont pas 6% de la population mondiale, utilisent 24 à 40% des principales matières premières du monde. Chaque famille américaine gaspille et pollue 25 fois plus qu'une famille indienne. Donc, les 210 millions d'Américains du Nord, que Raymond Aron nous dit vorace plus que les autres, Et il dit que les autres, heureusement, ne sont pas aussi voraces, évidemment. Donc les 210 millions d'Américains gaspillaient polluent autant que ne le feraient 6 250 millions d'Indiens, s'il y avait 6 250 millions d'Indiens, mais ils ne sont que 560 millions. Mais vous nous citez beaucoup de chiffres depuis le début de cet entretien. Au début de votre livre, vous contestez les chiffres. Cette allusion au livre, au dernier livre de René Dumont, L'utopie ou la mort. Effectivement. C'est un livre important et qui est peut-être à la source de notre réflexion de ce soir. Sans aucun François doute. François Le Lyonnais. Eh bien, vous citez beaucoup de chiffres et il y en a d'autres que vous citez dans votre livre et que vous contestez et sur lesquels je serai d'accord avec vous pour la contestation. Vous citez Herman Kahn en traitant ses propos de démentiel. Ben, je suis tout à fait de votre avis. À mon avis, l'avis n'est pas toujours drôle, mais quand on lit Herman Kahn, on a un peu l'impression d'être au cirque. Mais ça, c'est ces extrapolations mathématiques que vous condamnez dans Herman Kahn. Est-ce que vous ne vous appuyez pas sur d'autres extrapolations que vous trouvez dans d'autres auteurs ? Peut-être que certaines conclusions du Club de Rome sur l'épuisement des ressources minérales sont discutables. Mais ce sur quoi je m'appuie plus certainement, c'est sur les problèmes agricoles. Alors, en 1966, j'ai écrit un livre intitulé « Nous allons à la famine », ce que j'aurais voulu avoir tort. Malheureusement, je n'ai pas eu tort. À l'époque, en 1966, on m'a dit « Mais regardez les courbes de progression agricole de ceux qui voient leur population augmenter rapidement. Ceux-là voient leur production agricole aussi augmenter plus rapidement. » Eh bien, c'était faux. Et la suite de l'aventure a montré que c'était radicalement faux. Et cette famine que j'annonçais en 1966, je ne l'annonçais pas par désir de la faire venir, je l'annonçais pour inciter les gens à la prévenir. Toute une série de mesures auraient pu être prises qui ne l'ont pas été. Et la voici, la famine. Hugues Vincent Barbe. Votre schéma, monsieur le professeur, part d'une analyse de la pénurie. Du moins, est-ce ce que j'ai compris en vous lisant? Je refuse pour ma part ce diagnostic de pénurie. De même que vous dites que les Américains consomment et polluent plus que les Indiens, je pense qu'il faut aussi dire qu'ils produisent plus. Et j'ajoute qu'en ce qui concerne les matières premières, il me paraît tout à fait douteux que nous arrivions à une pénurie. Sûrement seront-elles plus chères. Parce que pour les acquérir, pour les exploiter les gisements, il faut davantage d'argent. Mais je prends aussi l'exemple de l'énergie que vous citiez, et je pense que les réserves de pétrole que l'on nous donnait pour 2 milliards de tonnes à peu près en 1923 sont de 2 milliards et demi de consommation rien alors, que pour l'année en cours. Alors la question est celle-là, je refuse votre diagnostic de pénurie. Mais vous continuerez à discuter. Je continuerai à discuter. Eh bien, si actuellement tout le monde mangeait au standard américain, la production agricole mondiale suffirait à peine pour nourrir 1 milliard d'hommes. Or, nous sommes 3 700 000 000. Heureusement que les Indiens et les Voltaïques, les Bengalis et les Voltaïques d'où je reviens, ne mangent pas au standard américain. Quant à la production de pétrole, certes, les réserves sont plus importantes qu'on ne le pensait, mais la proportion croissante du pétrole qu'on va retirer de la mer me laisse très inquiet parce que il y a des risques d'accidents et de pollution maritime de plus en plus grandes. François Closet. Vous semblez, en dénonçant ce que vous considérez comme une surconsommation, expliquer cet état de choses, en particulier par la recherche du profit. Mais d'un autre côté, vous le dites d'ailleurs, il semble qu'aussi bien la plupart des États communistes aspirent à cette consommation très élevée. On l'a bien vu lorsque M. Mansholt a exposé ses idées. Alors, comment expliquez-vous cette volonté de tous les hommes de l'hémisphère nord de consommer tant? Est-ce que c'est uniquement un phénomène capitaliste ou est-ce que c'est plus compliqué? C'est en partie un phénomène capitaliste, mais c'est en partie un phénomène plus compliqué, et c'est surtout un phénomène d'absence totale de survie de la pérennité de notre civilisation. Notre génération se conduit comme s'il ne devait pas y avoir de successeur derrière elle, et comme si elle était complètement indifférente au sort des générations futures. Si la plupart des États communistes aspirent au bien-être, il y en a tout de même un qui a une politique nettement différente, et c'est la Chine. Oui, mais la Chine, en l'occurrence, a actuellement, effectivement, une politique très différente, mais elle se trouve aussi dans des conditions extrêmement différentes. Naturellement. Mais la Chine, même pauvre, est en train d'aider d'autres États en voie de développement, alors qu'elle pourrait consommer un peu plus si elle ne les aidait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut que les États occidentaux se mettent à imiter la Chine ? Ah non, surtout pas, parce que la Chine est à un stade de développement très différent de celui de l'Europe occidentale et des États-Unis. Non, mais la leçon chinoise est valable pour l'ensemble des pays en voie de développement qui est valable. Certaines leçons chinoises sont valables. Alors, le communiste qui promet, par exemple, à chacun selon ses besoins, lorsqu'il arrivera à s'installer... À chacun selon ses besoins, c'est la promesse de Karl Marx, au temps où l'humanité avait à peu près 1 milliard d'habitants et où les aspirations n'avaient pas été développées par notre société de consommation. Actuellement, si les besoins sont estimés à ceux qu'a atteint notre société de consommation, il est bien évident qu'on ne peut pas les fournir à l'ensemble du monde. C'était une erreur. Non, c'était une interprétation autre de la situation. Karl Marx pensait à l'époque à donner à chaque ouvrier de quoi manger correctement. Et ceci, alors là, est une chose qui maintenant pourrait être réalisée à l'échelon mondial. Est-ce que je peux revenir sur la notion de pénurie ? Au fond, toute votre analyse repose sur l'idée que nous allons tout droit vers une pénurie des principales matières nécessaires au développement et même à la vie. Je ne parle pas des problèmes agricoles, disons des matières premières et des sources d'énergie. Je sais bien qu'il ne faut pas raisonner trop, employer trop le raisonnement historique, parce que l'histoire ne se répète pas toujours. Mais tout de même, vous arrivez à une conclusion très malthusienne, vous dites, bon, ben, il faut rationner, il faut faire un ministère mondial, pour ainsi dire, du blocus, et préserver ainsi nos sources de matières premières et nos sources d'énergie. Bon. Jusqu'à présent, toutes les solutions malthusiennes ont été régulièrement démenties par l'histoire. Ceci pour deux raisons. D'une part, parce que dans l'utilisation des matières premières jouent des mécanismes régulateurs, ne serait-ce que les mécanismes des prix. Quand une chose devient rare, elle devient chère, donc on l'utilise moins. Et deuxièmement, parce qu'on trouve toujours autre chose. Il me semble que vous sous-estimez l'innovation technologique. Non, j'ai dit que les conclusions du Club de Rome pouvaient être démenties par l'innovation technologique. Donc, sous ce rapport-là, je vous ai suivi. Quand je parle du ministère du blocus, je suis en train de construire une utopie. Donc je ne dis pas que le ministère du blocus va s'imposer demain. Je dis qu'un jour, il faudra raisonner autrement si nous voulons assurer la survie. Et la pénurie, en tout cas pour moi, dans mon domaine, celui que je connais le mieux, la pénurie alimentaire, depuis 1936, l'ensemble des pays en voie de développement, les deux tiers de la population mondiale, depuis 1936, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, n'ont pas vu leur régime alimentaire augmenter. Et dans certains cas, comme la moyenne n'a pas augmenté, dans certains cas, la situation s'est aggravée. Au Bengale, actuellement, on mange moins bien qu'avant l'arrivée des Anglais en 1700. Alors tout de même, c'est là une situation de pénurie prolongée. Il y a une situation de pénurie, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que tout de même cette situation de pénurie extrême et cruelle est en quelque sorte un accident historique ? Qu'est-ce qui a déterminé la situation de pénurie ? Est-ce que ce n'est pas la révolution de l'hygiène, la révolution sanitaire ? Oui. Fraser, que vous avez cité, donne l'exemple de la Guinée-Britannique, dans laquelle pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a déversé du DDT. Résultat, la mortalité infantile est tombée de 300 pour 1000 à 67 pour 1000. Bien, il est évident que ça a déterminé, et ceci c'est très récent, c'est à l'échelle d'une génération, ça a donc déterminé un accroissement de la population qui est quand même, qui n'arrive pas tous les jours. Le fait que 250 enfants supplémentaires naissent sur 1000. Naturellement, c'est un accident de l'histoire tellement grave qu'il nous faut réviser complètement nos conceptions de l'histoire, parce que jamais nous n'avons été en présence d'une telle population, et par conséquent, jamais nous n'avons été en présence de solutions comme celles que je propose. Notre situation est toute nouvelle. Question de Hugues Vincent-Barre. Votre souci, monsieur le professeur, est de limiter, dites-vous, la croissance dans les pays riches. Je dis limiter, non pas nécessairement arriver à la croissance zéro. Mais vous nous citez, vous, une série de besoins que vous estimez élémentaires, la nourriture, le vêtement, les loisirs et la culture, et vous voulez que l'on oublie les autres. Or, je prétends, et c'est la question que je vous pose, comment voulez-vous mieux aider les pays en voie de développement si vous n'assurez pas une croissance, serait-elle modifiée, mais une croissance parfaite dans les pays développés. D'où sortirez-vous les sommes dont nous avons besoin dans les pays du tiers-monde ? Eh bien, si on leur payait correctement leurs produits, je prends le jute, je reviens du Bengale. Le jute valait 3 fois le prix du riz en 1900, 2 fois le prix du riz en 1938, le jute vaut maintenant moins cher que le riz. Si on payait le jute correctement, on aiderait les pays en voie de développement et on paierait nos matières premières un peu plus cher, c'est-à-dire qu'on leur paierait à un prix normal, et cela ne limiterait pas notre croissance, mais cela aiderait mieux les pays en voie de développement. Actuellement, nous leur sous-payons toutes les matières premières et nous sommes en train de piller leurs meilleures réserves minérales et pétrolières, de sorte que quand ils auront accumulé assez d'argent par leurs propres ressources, leurs propres épargnes, pour édifier leurs usines, ils n'auront plus de minerais valables. Quand ils auront des usines, ils n'auront plus de minerai valable. Mi Fermat aura pris tout le minerai de Mauritanie. Mais non, monsieur le professeur, au fur et à mesure que... Vous dites qu'on ne paie pas les matières premières, mais à ma connaissance, elles figurent dans l'approvisionnement de la France pour une augmentation de 7% au cours de l'année écoulée. Par conséquent, on les paye chaque année davantage. Je sais bien qu'il y a eu le cacao qui a été un exemple assez particulier, et vous le citez. Mais dans l'ensemble, regardez le prix du pétrole. À ma connaissance, c'est aussi M. Nixon qui lui-même a lancé, il y a quelques 3 ans, en donnant l'idée aux pays producteurs du Moyen-Orient que le dollar qui servait à payer ce pétrole ne leur permettait pas d'acheter suffisamment de marchandises, en leur donnant l'idée de réclamer davantage de dollars. Est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? L'arachide a été payée au Sénégal en 1970, quand j'y suis passé, au tiers du prix qu'on payait le colza aux producteurs français. Or, l'arachide a plus d'huile que le colza, et une huile de meilleure qualité, et le tourteau est beaucoup plus valable. Mais je voudrais laisser de côté, si vous le voulez un instant, les remèdes auxquels nous devons arriver, pour revenir un peu à votre diagnostic. Il y a quelque chose sur lequel je crois qu'il n'est pas possible d'être d'accord. C'est quand vous dites que nous sommes dans un monde fini, et vous n'êtes pas le seul à le dire. Je crois, qu'est-ce que ça veut dire un monde fini ? Nous avons à peine égratigné l'écorce terrestre. Tout l'intérieur de la Terre reste à notre disposition. Difficile à atteindre. Oui, mais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. L'extérieur de la Terre. Et tous les jours, nous recevons du Soleil des quantités d'énergie très supérieures à ce que nous dépensons. Si tout cela est difficile à atteindre, nous pouvons espérer, avec des progrès technologiques, l'atteindre. Naturellement, mais cela n'empêche pas que nous sommes un monde fini et que si la population augmente trop, en l'an 3000, il y aura 1500 habitants par mètre carré de terres émergées, en comptant dans les terres émergées toutes les terres arctiques et antarctiques. Alors à ce moment-là, on pourra toujours aller chercher dans l'intérieur de la Terre ou récupérer mieux l'énergie du Soleil. Il n'y aura plus de place pour se tenir les uns au-dessus des autres. Mais il semble à vous écouter qu'une rupture nous attend, que tout à un coup la nature n'en pourra plus. Qu'on dira, ben voilà, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de charbon, tout est pollué, on arrête tout. Et je crois qu'en réalité, les choses dans notre société sont beaucoup plus subtiles, que la technique trouve toujours de nouveaux moyens, et qu'en annonçant que tout, à une heure dite, presque, va s'arrêter, parce qu'on dit, il y a du mercure pour tant d'années, etc., on donne l'impression qu'on fait une prophétie, et comme la prophétie risque de ne pas tout à fait se réaliser, que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a effectivement une situation sérieuse, mais qui ne correspond absolument pas à une rupture brutale. Les chiffres du mercure pour tant d'années, c'est les chiffres que j'ai donnés comme venant du Club de Rome, et je ne les ai pas pris à mon compte, j'ai dit qu'il fallait faire des réserves. Mais la rupture, c'est bien le terme qui s'applique actuellement. La rupture, je la vois dans toute la destruction des terres agricoles, quelquefois faite d'ailleurs sans nécessité. Aux îles Havaï, on fait de la canne à sucre et au bout de 30 ans, il n'y a plus de terre. Et l'Américain me dit, mais nous l'avons largement gagné. Est-ce que ces exemples sont nombreux ? Eh bien, tout autour de la Méditerranée, l'érosion, depuis les temps des Grecs, a détruit à peu près la moitié des terres arables du pourtour de la Méditerranée. En Algérie, on perd chaque jour 100 hectares de terres arables. Je reviens de la Volta, chaque fois qu'on met en culture des terres un peu en pente, immédiatement le sol s'en va à la première pluie. Donc partout à travers le monde, au sud d'Agra en Inde, des riches terres à blé du XVIIIe siècle sont des pauvres terres à millet parce que l'érosion a entraîné les 3/4 du sol superficiel. Partout à travers le monde, je ne vois que cela. Mais vous présentez effectivement une situation qui, sur beaucoup de points, est inquiétante. Mais ne croyez-vous pas qu'en se réfugiant dans l'utopie, en disant d'emblée aux gens, nous avons connu, j'ai connu à travers ces livres... René Dumont luttant sur des problèmes concrets, disant il faut faire ceci à tel endroit, ceci à tel autre, et puis tout à coup on nous dit, eh bien voilà, il faut réorganiser toute la planète, et vous le dites d'ailleurs, je lance une utopie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cela revient à une démission et que le public à ce moment-là dira, bon ben il n'y a plus rien à faire et abandonnera? Pas du tout, l'utopie c'est simplement une organisation de la société qui n'est pas acceptable par l'opinion publique actuelle mais qui s'imposera un jour. On n'a jamais progressé que par des utopies. Vous nous direz tout à l'heure. Certaines. Vous nous direz tout à l'heure en quoi. Notamment celles qui inciteraient, par exemple, à cesser d'une part du côté de la production dans les pays qui produisent, et peut-être aussi celles qui donneraient à penser aux pays qui produisent aujourd'hui qu'ils doivent être les premiers, comme vous leur proposez, à établir un équilibre naissance égale décès. C'est-à-dire ne jamais dépasser, dans nos pays développés, le nombre des décès par le nombre des nouvelles naissances. Alors, ma question est celle-ci. Comment voulez-vous, et c'est, je vous l'ai déjà posé, dans avoir des pays développés qui puissent apporter quelque chose aux autres, si ces pays eux-mêmes sont invités par un homme qui est professeur et qui enseigne la jeunesse à limiter leur propre croissance? Mais que restera-t-il? Mais apporter quelque chose aux autres actuellement, qu'est-ce qu'ils apportent aux autres? Ils vont chercher chez les autres les ressources de pétrole qui sont le patrimoine mondial, ils vont chercher chez les autres les ressources minérales qui sont le patrimoine mondial, et ils en font un usage abusif. Apporter quelque chose aux autres, je pense que si vous lisez le livre de Tibor Mande, de l'aide à la recolonisation, vous verrez qu'ils nous apportent beaucoup plus qu'on leur apporte. Actuellement, c'est eux qui nous ravitaillent dans les principales matières premières, minérales et pétrolières. Mais, ne croyez-vous pas qu'à l'heure actuelle, il faut peut-être très concrètement expliquer certains excès évidents de la consommation ou de la pollution sur un plan très concret et ne pas immédiatement dire au public, il faut tout arrêter, il faut lancer un programme d'austérité, parce qu'actuellement, le public n'est pas prêt à recevoir un tel message et a tendance à considérer que tous les prophètes de malheur exagèrent considérablement. De fait, leurs prévisions sont démenties dans le temps qu'ils les donnent. Oui, seulement quand j'ai écrit La Fête Noire est mal partie en 62, la suite ne m'a pas démenti. Quand j'ai écrit Nous allons à la famine en 66, la suite ne m'a pas démenti. Et quand je vois la situation s'aggraver, je suis obligé de repenser l'ensemble de la société. Donnez des exemples de gaspillage. Les exemples de gaspillage, actuellement, si je prends par exemple l'alimentation du bétail. Le bétail consomme actuellement les farines de poisson, consomme les tourteaux oléagineux qui manquent au développement normal du cerveau des enfants des pays pauvres. Actuellement, il y a des dizaines de millions d'enfants des pays pauvres qui ne vont pas atteindre le développement normal de leur cerveau, nous dit l'Organisation mondiale de la santé, faute de quelques grammes de protéines par jour. Ces grammes de protéines existent, le lait en poudre, la farine de poisson, les tourteaux. On les donne à quoi? On les donne à notre bétail pour transformer ces protéines en d'autres protéines avec un gaspillage invraisemblable. Il faut 6 grammes de protéines à une vache laitière pour donner 1 gramme de protéines du lait pour avoir des formes de protéines de luxe, alors qu'elles sont, ces aliments sont directement assimilables par l'homme. Et que faudrait-il faire? Mais il faudrait les acheter, un fonds international des protéines, qui les distribuerait aux enfants de 1 à 5 ans. Avant 1 an, ils ont le lait maternel. À 5 ans, tous les gosses de Nigeria et de Haute-Volta, des villages d'où je reviens, ont une petite fronde dans la poche. Et à 5 ans, ils font la petite chasse. C'est-à-dire que les lézards, les rats, les insectes, leur fournissent une ration de protéines à peu près correcte. Mais de 1 à 5 ans, ils ne sont pas en état de le faire. René Dumont, même les chiens et les chats ne trouvent pas grâce auprès de vous. Pourquoi? Mais naturellement, parce que les chiens et les chats mangent beaucoup plus de protéines que les enfants des Indes. C'est bien gentil d'avoir un chat et de l'aimer. J'ai un chat à la maison, mais quand on pense aux enfants d'Asie méridionale qui n'ont pas la même ration que nos chiens et nos chats, alors... En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages, ses saumons fumés au-dessus de la mer. Nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer. Une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver. Et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. Nous, nous demandons des comptes. Nous demandons des comptes aux ultra-riches et nous voulons récupérer l'argent qui est dû au peuple français. Salut tout le monde, c'est Antoine. Je veux vous parler d'un sujet qu'on a abordé à l'Assemblée nationale sur lequel je suis intervenu. Je viens d'ailleurs de vous passer un tout petit extrait de cette intervention qui se rattache à une autre que je vais vous passer dans quelques instants. Il s'agissait du parquet national financier. Le parquet national financier, c'est un des outils qui existent dans la lutte contre la corruption. Il est notamment utilisé pour lutter contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale et contre la corruption d'une manière générale. Eh bien, j'avais proposé à l'Assemblée nationale qu'on augmente les moyens pour le parquet national financier. Vous allez voir les interventions sur ce sujet dans quelques instants. Mais ce que je veux vous dire, et je vous le dirai après vous avoir passé ces interventions, c'est ce qui s'est passé sur le vote, parce qu'il a été démonstratif d'une chose, c'est que le Rassemblement national ne veut pas lutter contre la corruption. Sur ce sujet-là, il se met du même côté que La République En Marche. Je vous passe la première intervention et je vous retrouve après. Nous vous proposons d'augmenter les moyens du PNF, le parquet national financier. Alors j'explique ce que c'est que le PNF pour celles et ceux qui nous écoutent dans les tribunes et en dehors de notre assemblée. C'est un outil de lutte contre la grande délinquance économique et financière et par exemple de lutte contre la fraude fiscale qui a été créée après l'affaire Cahuzac, un monsieur qui avait menti devant la représentation nationale et qui pourtant était un fraudeur. Or, eh bien, vous ne mettez pas assez de moyens. Et toutes les études montrent que quand on lutte contre la grande délinquance financière, on lutte aussi contre le trafic d'armes, on lutte aussi contre le trafic de drogue. Bref, on lutte contre la délinquance en ensemble. Parce que, pour une raison simple, c'est que les criminels qui font du trafic de drogue et du trafic d'armes, ils ont eux aussi besoin de systèmes pour blanchir l'argent qui est issu de leur forfait. Alors, quand le PNF a été créé en 2013, il y avait une étude d'impact qui disait qu'un parquetier ne peut suivre que 8 affaires compte tenu de la complexité de ses affaires. Or, aujourd'hui, nous avons 18 magistrats, ce qui est l'équivalent de 144 affaires qui peuvent être suivies sérieusement. Mais en réalité, il y a 590 affaires en cours. Donc on a 144 affaires qu'on est capable de suivre, mais il y en a 590 en cours. Nous, nous vous proposons du coup de créer 55 postes de magistrats pour pouvoir traiter ces 590 affaires et faire ce que devrait faire la justice, traquer les délinquants, mais notamment les délinquants en col blanc qui nous coûtent un fric absolument monstrueux. Je rappelle que la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros par an. Alors après cette première intervention, le ministre a répondu pour nous dire que c'était pas la bonne chose à faire, que c'était pas les bons moyens. Il a précisé que les moyens du parquet national financier avaient petit à petit augmenté, passant de, je sais plus combien, il avait dit quelque chose comme 12 magistrats à l'intérieur du parquet national financier à 16, puis à 17, puis à 18. Bref, une augmentation extrêmement lente. Et donc j'ai fait une deuxième intervention pour lui dire que les moyens n'étaient pas à la hauteur de ce dont nous avions besoin pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la grande délinquance économique et financière. Je vous passe cette deuxième intervention et je vous retrouve juste après. Vous avez donné des chiffres qui sont intéressants. On voit qu'il y a une augmentation qui est très lente du nombre de postes. Nous, nous proposons, et vous l'avez dit, le parquet national financier, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Vous arrêtez pas de nous bassiner sans arrêt avec « il faut récupérer de l'argent, vous dépensez sans compter, etc. etc. » Là, on vous propose une mesure qui est une mesure qui fait gagner de l'argent. C'est un investissement, certes, mais ça fait gagner de l'argent parce que le parquet national financier récupère l'argent qui est dû par des citoyens à l'État. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut s'y opposer. Mais au final, je dis « je ne comprends pas », mais c'est de l'art oratoire. En réalité, quand on supprime des postes de contrôleurs, quand on supprime des postes de contrôleurs fiscaux, on est en train d'aider la fraude et l'évasion fiscale. Parce que, de même, les postes de contrôleurs fiscaux rapportent de l'argent à l'État. Donc, pourquoi supprimer des postes de fonctionnaires qui rapportent de l'argent à l'État et qui permettent, justement, de financer le service public? Pourquoi, monsieur le ministre? Ça, c'est la question à laquelle vous devriez répondre. Et en ne répondant pas sur l'augmentation des moyens du parquet national financier, je pense que vous donnez la réponse. Votre gouvernement n'a absolument rien à faire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et vous considérez que finalement, ça fait partie des activités économiques traditionnelles des ultra-riches et qu'il n'y a rien à leur demander. Voilà ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Il s'agissait du débat sur le projet de loi de finances. Vous savez, c'est ce débat sur lequel le gouvernement va finir par faire un nouveau 49-3. Et là, on abordait la question question de la justice. Dans ce débat-là, j'ai abordé plusieurs questions, la question des prisons notamment, mais aussi donc cette question du parquet national financier qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'est un outil qui fait gagner de l'argent à l'État, comme je l'ai dit dans ces interventions que vous venez de voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé sur le résultat du vote. En réalité, sur ce vote, bien précisément, eh bien le Rassemblement national s'est mis du même côté que La République En Marche, du même côté que Les Républicains, c'est-à-dire qu'il a fait une nouvelle fois la démonstration qu'il n'était pas du côté de la lutte contre la corruption, qu'il n'était pas du côté de la lutte contre la grande délinquance économique et financière, bref, qu'il était du côté des puissants, qu'il est du côté de ceux qui jouent avec les règles du système pour faire encore plus d'argent et mettre encore plus d'argent de côté. Et au final, c'est assez cohérent avec ce qu'a démontré d'ores et déjà le Rassemblement national à l'Assemblée, puisque sur la question du rétablissement de l'ISF, le Rassemblement national avait également voté contre le rétablissement de l'ISF. Donc là, au bout d'un moment, deux points commencent à former une ligne. Sur le rétablissement de l'ISF, qui est un outil pour répartir la richesse entre les plus riches et les plus pauvres, eh bien le Rassemblement national s'est mis du côté des plus riches et pas des plus pauvres. Et puis sur la question du parquet national financier, qui là encore est un outil de lutte contre ceux qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent à éviter de payer l'impôt, de payer leur juste part d'impôt pour participer à la solidarité nationale, eh bien là encore le Rassemblement national s'est mis du côté des puissants, du côté des riches et pas du côté du peuple. Au final, ça commence à donner une ligne assez cohérente parce que sur d'autres sujets qui impliquent aussi la question du partage de la richesse, le Rassemblement national s'était encore une fois mis du côté des riches. Sur la question de l'augmentation du SMIC, par exemple, nous avions proposé cet été dans la loi pouvoir d'achat, on met des gros guillemets parce que je pense que ça n'a pas changé grand-chose pour votre pouvoir d'achat, cette loi-là, le Rassemblement national s'était mis du côté de La République En Marche en votant contre l'augmentation du SMIC. Donc quand Marine Le Pen et les lepénistes disent qu'ils veulent augmenter les salaires, il ne faut pas les écouter parce que ce n'est pas vrai, ce ne sont pas les décisions qu'ils ont prises à l'Assemblée nationale, ils prennent les décisions inverses. Leur mesure à eux, c'est encore une mesure en faveur des plus riches. En réalité, ce qu'ils proposent sur l'augmentation des salaires, c'est d'augmenter le salaire net en diminuant les cotisations. Mais quand on diminue les cotisations, eh bien on diminue le salaire, on diminue aussi le salaire des travailleurs. Parce que les cotisations, c'est ce qui permet notamment de financer le système de retraite, c'est ce qui permet notamment de financer la sécurité sociale. Bref, c'est pas parce que c'est du salaire qu'on ne touche pas directement que ce n'est pas du salaire. Et en réalité, c'est du salaire différé, c'est du salaire socialisé, c'est du salaire qui sert à financer nos services publics. Et sur cette question-là, eh bien, si on veut être du côté des travailleurs, c'est-à-dire si on veut augmenter la richesse des travailleurs, la seule chose à faire, c'est d'augmenter le salaire brut. Ça, ça augmente le salaire net et en même temps, ça augmente la part des cotisations. Bref, vous le voyez, le Rassemblement national, sur l'ensemble de ses votes, désormais, il fait la démonstration que quand il s'agit de partager la richesse, quand il s'agit d'aller chercher dans les poches des plus riches, il se met toujours du côté de La République En Marche, toujours du côté des plus riches. Et il l'a montré sur l'augmentation du SMIC, il l'a montré sur le rétablissement de l'ISF et il l'a montré donc sur le parquet national financier. Je vous invite à faire connaître ces informations, à partager ces vidéos pour faire savoir que le Rassemblement national n'est pas du côté du peuple et qu'il est du côté de celles et ceux qui aiment la corruption. Parce que quand on veut augmenter les moyens du parquet national financier, eh bien c'est justement pour lutter contre la corruption, pour se battre contre cette délinquance des gens en costume et en cravate qui ne fait pas la une des journaux, qui ne fait pas la une de CNews, mais qui nous coûte un fric absolument monstrueux et qui, en cascade, en fait, permet la délinquance, la petite délinquance, la délinquance sur la drogue, la délinquance sur le trafic d'armes, qui n'est pas de la petite délinquance, et la délinquance sur le trafic d'êtres humains. Bref, je voulais vous dire tout ça parce que j'en ai par-dessus la tête d'entendre dire que le Rassemblement national serait du côté du peuple. Ce n'est pas le cas. Le Rassemblement national est du côté des puissants, il est du côté des riches et tous ces votes à l'Assemblée nationale le démontrent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était une vidéo un peu courte pour vous faire le point sur cet élément qui me semblait indispensable. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux pour faire tourner l'information parce que vous ne l'aurez pas vu dans les médias. Les médias n'ont pas fait le compte-rendu des votes du Rassemblement national sur le parquet national financier. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et pour être informé de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Le piano du pauvre se noue autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il est pas chien et le lui rend bien, il est éclectique. Sonate ou Java, concerto polka, il aime la musique. Que le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Sous le soleil mauve, des lilas de nos jambes. Il roucoule un brin à ceux qui se plaisent bien et fait des avances. Ravel ou machin, c'est déjà la fin, mais v'là qui recommence. Le piano du pauvre se noue autour des reins. Sa chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il est pas chien, toujours il y revient, il a la pratique. C'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Que le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, y a pas que lui qui s'en fout. Car on est pas chien, on le lui rend bien, on est éclectique. Que Jules ou bien machin, c'est déjà la fin, mais v'là qu'on y repique. Que le piano du pauvre, c'est pas qu'il est voyou. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on est pas chien, on a les moyens et le cœur qui plisse. Quand Paderewski tire de son étui l'instrument de service, le piano du pauvre n'a pas fini de jacter. Sous le regard fauve des rupins du quartier, pendant que les barbus du vieil institut posent leur bésicle pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à boba se tape un air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon, déjà va pervers, c'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce. Bonjour Monsieur Barreau, bonjour à tout le monde. Merci pour votre exposé. J'ai grandi à Rambouillet dans une famille qui était exploitant forestier depuis 8 générations. Et puis, maintenant, je suis chez Framatome. Voilà. Personne n'est parfait. Alors, en fait, ce que vous avez exposé est très intéressant et il me parle sur un point qui est le set de valeurs que vous mettez en avant, et je pense que si vous passiez le test 16 personnalités, vous seriez probablement avocat ou médiateur. Mais les gens comme moi, qui sont plutôt ingénieurs, on va dire protagonistes ou commandants, selon la fois où je passe le test, ont besoin d'une... Il y a une case que vous ne cochez pas pour me convaincre. C'est-à-dire que c'est la case de la projection rationnelle de ce que vous proposez, puisque l'absence de technologie proposée finalement nous met devant peu de temps. On sait qu'on a 60% de la biodiversité en nombre d'espèces qui ont disparu. On sait que l'an dernier... Les populations. C'est pas les espèces, mais c'est les populations, tout à fait. On sait que l'an dernier, un sixième des morts sur Terre était dû aux pollutions, notamment en Inde. Et par exemple, moi, ingénieur, pour me convaincre et me projeter et me dire on va avoir un petit peu de temps, est-ce qu'on fait des parcs naturels géants sur Terre, sur mer? Est-ce qu'on les protège pour s'assurer qu'il y aura de la place à ces endroits-là? Comment fait-on? Il y a une centrale à charbon qui ouvre par jour en Chine. Je suis totalement d'accord qu'il faut se laisser le temps et prendre le temps de la réflexion pour aller dans les bonnes directions. Mais pour ces quelques années, ces décennies qui viennent, par quoi substitue-t-on ces centrales à charbon pour éviter que, par exemple, elles grillent? Et là, je parle du réchauffement climatique qui ne vous est pas forcément le sujet le plus cher. Je sais bien qu'il y a les pollutions. Je sais bien qu'il y a... C'est un sujet, c'est pas le seul. Voilà. C'est un sujet, je sais bien que... Il y a la disparition de la vie due à notre habitat, qui est un enjeu, certes, mais peut-être pas le seul. Et je suis contre l'intelligence artificielle. Stephen Hawking disait qu'on serait dépassé avec notre lente évolution biologique. Alors, moi, j'aime bien le discours le vôtre, bien sûr, sur prendre le temps de réfléchir, du diagnostic, et qu'est-ce qu'on fera. Et j'aime bien aussi le discours de Jean Covici, qui nous laisse un peu plus de temps pour que les décennies à venir, on est le temps de cette réflexion. Comment projetez-vous le scénario de pas trop de technologie dans les décennies? Avez-vous bouclé cette réflexion sur l'impact que ça peut avoir sur les quelques décennies qui viennent? Mais je comprends très bien ce que tu dis et c'est parfaitement raisonnable, mais je ne suis pas d'accord avec le niveau de difficulté. Ah oui, il fallait prendre trois questions, bon, tant pis. Sur le niveau de difficulté et les échelles de temporalité. Ce que je veux dire, c'est que là, tu es en train de dire, mais quand même, il faut bien qu'on trouve un moyen de pouvoir se déplacer en consommant moins. Mais c'est encore beaucoup plus rapide de ne plus se déplacer. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et tu me dis, oui, mais ce que vous dites, ça demande de prendre du temps. Mais non, c'est immédiat. Alors, ne plus se déplacer, si ça veut dire que tu peux plus aller sur ton lieu de travail, ça, c'est un problème. Et on est d'accord. Et pour ça, il faut trouver des solutions, effectivement, plus raisonnables. Et on est parfaitement d'accord. Mais il y a une très grande partie de nos déplacements qui sont juste non nécessaires. Et qui, en fait, nous pourrissent la vie, parce que c'est pas du tout intéressant comme rapport à l'altérité. Je pense que c'est beaucoup plus facile de ne plus prendre l'avion que de faire des avions bas carbone. Donc ma solution, en fait, elle est immédiate, elle est radicale et elle fonctionne. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux te dire, ouais, mais bon, il faut bien trouver les outils de substitution ou pas. Si on substitue pas, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas besoin d'ingénieurs et ça marche tout de suite. Mais non, mais c'est incroyable. Mais non, mais là tu fais comme... Mais non, mais là tu dis, en gros, il faut substituer pour éviter le plus 4 degrés. Mais parce que tu es toujours dans l'idée à énergie constante. Mais on peut aussi cesser de consommer. Une grande partie, pas cesser de consommer tout, bien sûr, sinon on va mourir. Oui, là c'est ce que je dis. On peut peut-être vivre sans Amazon. On peut rendre Amazon propre ou vivre sans Amazon. On n'a pas besoin d'Amazon pour manger en ville. Il y a eu des grandes villes bien avant les systèmes de transport qu'on a aujourd'hui. Et rendre dans un supermarché. Tu vois, dans un supermarché, 95% des produits proposés sont complètement inutiles. T'as pas un shampoing, t'as 47 types de shampoings différents. Alors en plus, si t'as les cheveux longs, t'as ceux pour se démêler, etc. Tu vois. Et tu dis, mais c'est juste débile, quoi. Et donc, je pense que si déjà tu attaques ça, tu règles 90% du problème sans avoir besoin d'avoir des ingénieurs vertueux chez L'Oréal. Tu te dis juste, t'as deux types de shampoings et c'est bon, quoi. Non, mais je suis d'accord en même temps, hein, mais on discute, quoi. Bon, ben on arrête, parce qu'il faut d'autres personnes. Okay, j'ai une question, et je pense que c'est tout à fait lié au petit débat que vous venez d'avoir. On parle toujours de, en gros, la quantité d'énergie ou de ressources, quelle qu'elle soit, une ressource de beauté, d'espace, n'importe quoi, comment on l'utilise. Et il y a une raison, c'est est-ce qu'on la substitue, est-ce qu'on la rend propre, etc. Et sinon, on regarde le dénominateur. Et on parle de croissance démographique. Et si on diminue par... Si vous utilisez une seule personne, bah, elle peut faire quasiment ce qu'elle veut. Si vous prenez 50 milliards de personnes, là, vous faites beaucoup moins. Et effectivement, la question de se déplacer se pose. Est-ce que vous restez chez vous tout le temps ou pas? Donc j'aimerais avoir votre avis, vous, Aurélien Barraud, sur ce que vous pensez entre le lien entre croissance démographique et croissance du bonheur. Qui, je trouve, est souvent négligée dans les réflexions. Oui, mais alors ça, moi, j'ai une réponse très claire. Je pense vraiment qu'au premier ordre, pour reprendre les expressions des ingénieurs qui sont là aujourd'hui, la croissance démographique n'est pas du tout le problème. Bon, vous savez que les 0,5% les plus riches émettent plus de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Une fois qu'on a dit ça, je vois pas le problème. Il suffit de se débarrasser de Musk et Bezos, et ça sera beaucoup plus utile que de tenter d'éduquer l'Afrique. Bon. Mais au-delà de la caricature, parce que ça, c'est un peu une caricature, mais soyons plus sérieux maintenant. Je crois vraiment, et là maintenant je rigole plus, que notre axiologie actuelle fait que nous maximisons notre capacité à emmagasiner et à agir et à transformer. Ce que je veux dire clairement, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez les joueurs de foot. Ça a l'air d'être des gens sympas quand même, comme ça on les voit. Enfin moi, mes gamins, ils les aiment bien. Les joueurs de foot, ils ont tous 13 villas et 47 Ferrari. Parce que ça leur traverse pas l'esprit de se dire que quand bien même ils pourraient le faire, ils ne vont pas le faire. Non, on pense pas comme ça aujourd'hui. Donc si vous divisez aujourd'hui par deux la population mondiale, mais sans diviser par deux la quantité d'énergie disponible, ça n'aura strictement rien changé. Parce qu'on va juste pas se dire, on va rester où on est. Bien sûr que non. On va utiliser l'espace disponible et on va utiliser les ressources disponibles et on va juste se partager, inéquitablement évidemment, les ressources disponibles. Donc c'est pas du tout une question de population. C'est une question d'état d'esprit. Et en plus, quand on dit ça, on se focalise sur le côté durable. C'est-à-dire qu'on se dit, après tout, vous l'avez dit d'ailleurs, si avec une personne, elle pourra faire ce qu'elle veut. Bah oui et non quand même. Parce que ça, c'est vrai si on raisonne d'un point de vue comptable. On peut se dire, même Elon Musk n'est pas capable de détruire la Terre. Enfin, j'en suis pas sûr, en fait. Mais c'est peut-être vrai, ça. Mais il n'empêche qu'il peut quand même faire beaucoup de morts. Et ça, c'est déjà prendre une logique comptable qui est de se dire, si le système était à l'équilibre, alors tout irait bien. Donc vraiment, je crois que la démographie, c'est complètement un faux problème. Complètement un faux problème. Et que on pourrait être beaucoup plus nombreux si on avait un autre rapport à la terre, à la vie, à l'altérité, à la culture et au plaisir, parce que vous avez parlé de se déplacer. Bon, moi, je suis venu aujourd'hui parce que j'habite Grenoble. Bon, Lyon, Grenoble, quand même, c'est pas trop méchant. Je serais pas venu si c'était à Paris. Sincèrement, je l'ai fait, comme nous tous ici, hein, comme tous les gens qui ont les moyens. J'ai été passer des vacances au Canada et ailleurs. Maintenant, je vais plutôt en Ardèche. Je trouve ça plutôt mieux. Je connaissais rien de la faune de l'Ardèche, je connaissais rien de la flore de l'Ardèche, je connaissais rien des attitudes des paysans de l'Ardèche. Ben, c'est au moins aussi intéressant que ceux des paysans nord-américains. Donc j'ai juste rien perdu en bonheur, en fait. Je vais poser la dernière question, si j'ai bien compris. Donc vous dites que vous êtes dans une position facile pour avoir ce discours. Bon, ok, je veux bien, mais vous êtes quand même parent, père. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Qu'est-ce que... Quel outil d'éducation vous leur donnez, à part leur faire lire Rimbaud et... Mais moi, j'ai une vision un peu sacralisée de la chose. Je pense que être parent, c'est pas endoctriné. La parentalité, à mon avis, mais on sort du sujet là, c'est la seule condition pour être parent, c'est l'amour inconditionnel. C'est tout. Donc, être parent, pour moi, ça n'a rien à voir avec le problème. J'essaye de convaincre mes amis, mes collègues, vous-même, parfois des politiques. Ça, c'est, généralement, c'est pas très utile. Mais pour moi, mes enfants, c'est pas différent des autres, en fait. Et si leur projet de vie est complètement orthogonal à mes valeurs, ils auront toujours mon amour et mon soutien inconditionnel. Parce que ça, c'est la définition de la parentalité, je pense. Thank you. Déclaré. Il y a des milliers de militants écologistes qui manifestent aujourd'hui dans ce champ des Deux-Sèvres contre la construction de ce qu'ils appellent une méga-bassine. Le vrai nom est retenue de substitution. Ce sont d'immenses réservoirs qui sont destinés à irriguer les exploitations agricoles. La retenue ici à Sainte-Soline fera une superficie d'environ 15 terrains de football et elle pourra bénéficier à une vingtaine d'agriculteurs. Des projets de ce type, il y en a des dizaines en France. Les agriculteurs qui soutiennent le projet avancent un principe assez simple. Il suffit de puiser l'eau dans la nappe phréatique l'hiver au moment où elle serait plus abondante pour l'utiliser durant la période estivale face aux sécheresses. Ça fait un an et demi qu'il n'a pas plu. On a enchaîné un été, un hiver sec, un nouvel été sec, on enchaîne sur un automne sec. Alors la belle équation qui disait on va prendre l'eau en abondance, évidemment ça ne marche pas. Selon les opposants au projet, cette eau servira à une minorité d'agriculteurs et surtout à un système agricole qu'ils disent productiviste, sans compter les inquiétudes pour le milieu naturel, parce qu'ici on est à l'entrée du marais Poitevin. Il faut respecter la ressource en eau, parce que de l'eau il en manque. Et qu'elle ne peut pas être prélevée, accaparée par quelques agriculteurs. On est à côté du marais Poitevin. Il faut de l'eau pour le marais Poitevin ou pour le maïs irrigué? Mais puiser de l'eau l'hiver quand il y en a un peu plus, ça ne vous paraît pas un concept intéressant? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'eau. Les premières manifs qu'on a fait là, vers Mosée, le marais Poitevin, il n'y a plus d'eau. Au mois de mars de l'année dernière, il y avait ça. Les solutions pour stocker l'eau, c'est dans le sol, c'est dans les zones humides. Les solutions pour adapter l'agriculture au changement climatique, c'est de faire des choix de semences et de cultiver avec des semences adaptées et à des périodes adaptées, et basta. Vous êtes agriculteur, vous n'irriguez pas, vous ? Non, non, moi je n'arrose pas, mais 90% des terres de la région Poitou-Charentes ne sont pas arrosées. Donc il faut s'adapter. Moi je fais de l'élevage, donc c'est un peu moins d'animaux, c'est des fourrages différents. On arrête le maïs, par exemple. Moi je ne suis pas paysan pour détruire la ressource en eau. Voilà, je suis paysan pour nourrir les gens et l'eau c'est notre premier aliment. Hein. L'objectif de la manifestation est de se rendre sur le site du chantier de la bassine, mais il y a de très nombreuses forces de l'ordre. Les organisateurs ont donc décidé de séparer le cortège en trois. Les affrontements sont très violents. Les forces de l'ordre ont fait usage de très nombreuses grenades de désencerclement ou lacrymogènes. Après une heure de ce jeu de chat et la souris à travers les champs, le cortège a quand même réussi à atteindre le cratère de la bassine. C'est une répression massive. Je trouve que tout cet argent public dépensé pour ça, pour des manifestants pacifiques qui sont là pour lutter contre le changement climatique et contre tout ce qui est aberrant dans notre monde, c'est de l'argent public dépensé de manière totalement stupide. Pour les agriculteurs favorables au projet, ces immenses réservoirs d'eau sont une question de survie. C'est le cas de Ludovic Vassot. Il élève des vaches maraîchines et cultive des céréales bio ici à Épane, près de Niort. Il attend impatiemment la construction d'une de ses retenues d'eau pour faire face aux sécheresses. Et il connaît très bien cette guerre de l'eau puisque son système d'irrigation a été vandalisé lors d'une manifestation d'opposants en mars dernier. Vous voyez, les boulons sont neufs là, parce qu'en fait, ils avaient tout coupé à la meuleuse Donc pour un mouvement pacifiste, venir avec des meuleuses portables, c'est un peu limite. Du bon travail de, comme je dis, de terroristes en fait. Parce que leur truc, c'est d'essayer de faire passer leurs idées en nous faisant peur. Plutôt que d'accaparement, je penserais plutôt à un partage. Aujourd'hui, il faut qu'on partage l'eau. L'eau, on en a besoin pour la nature, on en a besoin pour la consommation humaine, et on en a besoin aussi pour nos cultures. Nous, on a fait des petits pois de conserve. Là, cette année, on va faire de la févrole, on fait du maïs, on fait du tournesol, on fait du soja, on fait du blé, on fait du triticale, on fait de l'orge, on fait des lentilles. La moitié des cultures que je viens de citer ont besoin d'eau, en fait. On n'a pas une gestion, comment dire, de salopards à se dire moi je m'en fous, j'arrose, voilà. Comme des chauffards sur la route, il y en a toujours. Mais nous, sur le secteur des pannes notamment, on a toujours une gestion cohérente et on respecte vraiment ce qu'on nous demande de faire. Demain sans eau, c'est pas compliqué, hein. La ferme elle partira à un voisin. Nous, ce sera pas viable en fait. Nous ne sommes pas sur la Lune, mais aux États-Unis. Cette vallée isolée et aride du Nevada est l'endroit le plus cratérisé au monde. On en compte des centaines. Certains sont vraiment énormes, comme celui-ci ou celui-ci. Mais le plus imposant des cratères, c'est lui. Il fait 100 mètres de profondeur et il est grand comme 4 terrains de foot. Et il a été créé comme ça. L'explosion de la bombe Sedan fait partie des 928 essais nucléaires menés par les États-Unis dans ce désert, situé à une centaine de kilomètres à peine de Las Vegas. Le site d'essai du Nevada détient le triste record mondial du nombre d'essais nucléaires réalisés pendant la guerre froide, entre 1951 et 1992. Aujourd'hui, des centaines de cratères restent visibles depuis le ciel, vestiges de 828 explosions souterraines. Les explosions atmosphériques, elles, n'ont pas laissé de traces. Pourtant, dans les années 50, l'armée américaine a fait exploser pas moins de 100 bombes atomiques dans le ciel du Nevada. À l'époque, on ne se préoccupe pas vraiment des retombées radioactives. Dans ce prospectus distribué en 1951 aux habitants des régions alentours, les autorités annoncent que tout est sous contrôle et que les essais ne présentent aucun danger. Les soldats déployés à quelques kilomètres à peine des explosions avaient pour seule protection des lunettes de soleil. Pourtant, les 100 explosions qui ont eu lieu dans le ciel du Nevada ont provoqué des retombées radioactives 20 fois plus importantes que lors de la catastrophe de Tchernobyl. Visibles depuis les toits des hôtels de Las Vegas, les champignons atomiques attirent même des touristes du monde entier. Sin City, la cité du vice, devient à l'époque Atomic City, la cité de l'atome. Les tests were conducted very early in the morning, so it was dark, and then you could see the flash from Las Vegas many times. In 1952, a downtown cafe rebranded itself as Atomic Liquors. They eventually reconfigured their rooftop to be an observation point. It was part of the tourist mentality. They had atomic cocktails. There was also a contest for Miss Atomic Bomb. En 1952, 200 journalistes sont invités à assister à une explosion retransmise à la télévision. Les images fascinent les Américains, fiers de leur puissance. À peine un an plus tard, en 1953, à cause d'un changement inattendu dans le sens du vent, l'explosion de la bombe atomique Dirty Harry provoque les plus fortes retombées radioactives jamais enregistrées dans le pays. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. The residue from this morning's atomic detonation is drifting in the direction of St. George. It is suggested that everyone remain indoors for one hour or until further notice. There is no danger. Dès la fin des années 50, certains scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Ils notent une hausse des cancers, les troupeaux d'élevage tombent malades, les enfants boivent du lait contaminé. Les états qui reçoivent le plus de poussière radioactive sont ceux situés au nord et à l'est du Nevada, car c'est dans cette direction que soufflent majoritairement les vents. Ces états font partie des moins peuplés du pays. Mais comme le montre cette carte de l'Institut américain du cancer datant de 2006, c'est également là qu'on trouve le plus dans la thyroïde des Américains des traces d'iode 131, un élément radioactif qui provoque des cancers. Pour limiter les retombées radioactives dans l'atmosphère et pour apaiser les tensions en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS signent en 1963 un traité qui interdit les essais atmosphériques. Par contre, les explosions souterraines restent autorisées. Le but de ces tests, étudier l'utilisation d'armes nucléaires dans un but dit pacifique, pour créer des mines par exemple. Le journaliste du New York Times, Dennis Overby, a assisté à un essai souterrain réalisé sur le site d'essai du Nevada en 1968. Il avait alors à peine 24 ans. So we went out there to photograph an underground nuclear explosion. We were 4 or 5 miles away in a trailer, and it was louder than I thought anything could ever be. And it kicked up this cloud of dust, and everything was shaking. I was supposed to be talking into a microphone, but I sort of forgot because I think I just said something like "Holy shit," which wasn't very professional. Le dernier essai nucléaire américain a eu lieu en 1992 sur le site du Nevada, mais les explosions atomiques menées dans le pays pendant près de 40 ans ont fait de nombreuses victimes. The testing had deadly consequences here at home. They're called downwinders, people living in Nevada, Utah and Arizona who were exposed to radiation from the explosions. Il faut attendre 1990 pour qu'une loi, la Radiation Exposure Compensation Act, reconnaisse officiellement les victimes des essais nucléaires et les indemnise. En 2018, ils étaient officiellement 34 000 downwinders à être indemnisés par l'État fédéral. Mais selon l'Institut américain du cancer, les tests atmosphériques auraient causé jusqu'à 212 000 cancers de la thyroïde. Les Américains ne sont pas les seuls à avoir testé l'arme nucléaire. Dans le monde, plus de 2000 essais nucléaires ont été réalisés entre 1945 et les années 90. la majorité par les États-Unis, l'URSS et la France. Ces tests, qu'ils soient atmosphériques, souterrains ou sous-marins, n'ont pas tous laissé de traces visibles dans le paysage. Dans le Sahara algérien, à Inneker et Reagan, la France a mené 17 essais nucléaires entre 1960 et 1966. Avec le temps, le sable a effacé toute trace visible d'explosion. En Asie centrale, lorsqu'on survole les vastes steppes du Kazakhstan, il faut ouvrir l'œil. Certains de ces lacs ne sont pas naturels. Celui-ci est en fait un énorme cratère de 100 mètres de profondeur, créé par l'explosion d'une bombe atomique soviétique en 1965. Aujourd'hui, les locaux viennent pêcher dans les eaux du lac, pourtant encore radioactives. Dans cette immense zone de 18 500 km², surnommée le polygone nucléaire de Semipalatinsk, les soviétiques ont fait exploser 456 bombes entre 1949 et 1989. Les autorités n'ont jamais averti du risque ni évacué les centaines de milliers d'habitants de la région qui ont été lourdement irradiés. Difficile d'estimer le nombre de victimes, mais selon les autorités du Kazakhstan, les essais nucléaires auraient affecté la santé de plus d'un million de Kazakhs. Aujourd'hui, les taux de cancer, d'infertilité ou de malformation restent anormalement élevés dans la région. Aujourd'hui, les sous-sols des sites d'essais du Kazakhstan et du Nevada restent les plus irradiés au monde. Mais l'un des pires vestiges des essais nucléaires se trouve à 8500 km du Nevada, dans les îles Marshall. Ce trou, recouvert de béton, contient assez de déchets radioactifs pour remplir 35 piscines olympiques. Entre 1946 et 1962, les États-Unis ont fait exploser l'équivalent de 7000 Little Boy, la bombe qui a ravagé Hiroshima. À cause de la montée des eaux, le dôme construit dans les années 70 menace de s'effondrer. Une véritable bombe à retardement écologique et sanitaire pour la population locale qui demande réparation. Les États-Unis, qui ont versé plus de 600 millions de dollars aux victimes des essais du Pacifique, considèrent désormais que le dôme n'est plus de leur responsabilité. Et les habitants des îles Marshall se retrouvent seuls face à un problème qu'ils n'ont pas créé. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia. Un coup de sourdine, dessus de combine, et t'avais ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines, et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, avec à être dans la mafia. Un petit pourriche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pépin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui gênent, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, ta cabaret ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanteront en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Dans la France occupée, une spirale d'attentats et de représailles oppose les nazis et la résistance qui commence à s'organiser. Une prochaine riposte est prévue par les jeunesses communistes pour le 20 octobre, à Nantes. Trois jeunes communistes, dont le responsable du groupe s'appelle Gilbert Brucelin, sont arrivés et, quelques heures après, derrière la cathédrale de Nantes, à proximité de la Commandantour, rue du Roi Albert, un officier allemand, et ils ne savent pas que c'est le feldkommandant de la place de Nantes, commandant Hotz, se promène sur les trottoirs et il décide que c'est la cible qui devra payer pour les exécutions des résistants. La mort de Hotz déclenche la fureur d'Hitler qui réclame aussitôt l'exécution de nouveaux otages. Le gouvernement de Vichy relaie l'ordre venu de Berlin et le ministre de l'Intérieur, Pucheux, établit une liste. Donc Pierre Pucheux et les autorités vont choisir en fait 48 otages. 27 vont être prélevés au camp de Choiseul à Châteaubriant où sont internés des résistants politiques et essentiellement communistes. 16 résistants nantais, de toute famille et de toute forme de résistance, et 5 nantais qui étaient détenus au fort de Romainville et qui seront exécutés au fort du Mont-Valérien. Qui sont ces hommes ? Des prisonniers politiques qui ont purgé leur peine, mais qu'au lieu de libérer, on a placés dans des camps dits de rétention administrative. Pour les autorités, ils étaient ce vivier dans lequel elles puiseraient au moindre fait et geste d'une résistance. Et le 22 octobre 1941, 48 otages ont été rassemblés. C'est le dernier jour de leur vie. Donc, dans cette baraque, ils sont munis d'un papier, d'un tout petit bout de crayon, et ils inscrivent pour la femme, pour les enfants, pour Guy Boquet, pour sa maman, son papa et son jeune frère, ses derniers mots d'adieu. Enfin, tous, avant de partir, avec ce crayon, ce petit bout de crayon, sur les planches de la baraque où ils sont retenus avant de partir à la mort, ils vont inscrire un dernier message à destination des copains qui restent dans le camp. Et Guy va inscrire, Guy Moquet, va inscrire cette phrase devenue maintenant célèbre, « Les copains qui restaient, soyez dignes de nous, les 27 qui vont mourir. » Un camion conduit alors les otages du camp de Choiseul jusqu'à une carrière située à quelques kilomètres. Ils sont 27, il y a 9 poteaux d'exécution, et donc ils vont être fusillés par vagues successives de 9. Et donc 18 des 27 vont assister à l'exécution des 9 premiers, et 9 vont assister à l'exécution de 18 de leurs camarades. Pour autant, donc, les propos rapportés par l'officier commandant le peloton d'exécution, c'est que dignité, courage de tous. Ce qui fera dire aux autorités allemandes et françaises, le soir du 22 octobre, que ceux qui ont gagné, ce sont les fusillés. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'au vent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître, et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui. Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. C'est la 159e revue de la semaine, avec un nouveau générique. Allez, zou! Cette semaine, je vais pas trop parler de politique intérieure française, au sens... la vie des institutions, l'Assemblée nationale et le reste, parce que j'ai déjà écrit pas mal dessus. Si vous voulez lire ce que j'en dis, vous prenez Mélenchon.fr, c'est mon blog, et il y a là une série de notes que j'ai publiées sur l'actualité du Parlement, et d'une manière générale, le point où nous en sommes de la bataille contre le gouvernement de Monsieur Macron. Non, je vais venir sur des sujets qui sont un peu plus écolos, un peu plus sociaux, un peu plus géopolitiques. Je commence par... la bataille qui a eu lieu autour des fameuses bassines. Alors vous avez vu ça, vous avez vu que, comme d'habitude, il y a eu un énorme dispositif policier déployé, enfin on se demande où tout ça va à force, parce que quand c'est les jeunes d'extrême droite qui vont dans la rue tabasser les gens, pousser des cris, agresser des personnes, là, il n'y a pas un policier à l'horizon. Mais par contre, quand on a une manifestation écologiste comme celle... des bassines dans les Deux-Sèvres, alors là, il y a une véritable armée qui est déployée. Et puis, c'est évidemment, comme d'habitude, ça se termine mal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blessés, et que dans le tas, bon, on tape dans le tas, quoi. On a eu, comme ça, aussi des députés qui ont été frappés, aspergés de gaz lacrymo. Alors on dit, oui, tu réagis parce que c'est des députés. Non, je suis contre la disproportion de l'usage de la force qui a été fait, mais je voudrais vous rappeler que si vous acceptez l'idée que quelqu'un qui vient avec une écharpe tricolore qui est mise comme n'importe qui connaît un peu, l'identifie, une écharpe de député, le rouge est proche du cou. Ça peut vous paraître en détail, mais c'est comme ça. Hein. Bon, donc, c'est sciemment que des gens tapent dessus. Ils considèrent que, comme c'est un parlementaire, ça veut rien dire. Ben, moi, c'est pas du tout mon avis. Les parlementaires sont des personnes, alors j'ai déjà dit ça 10 fois, je vous le redis pour la 11e fois, des personnes qui, depuis l'Antiquité, sont considérés comme sacrés, hein, et à l'époque c'était vraiment sacré, c'est-à-dire que les dieux eux-mêmes venaient punir ceux qui s'en prenaient aux tribans. Pourquoi ? Parce que quand ce sont les tribans du peuple, bah, y a rien de plus facile pour les faire taire que de les tabasser, ou les mettre en prison, ou le reste. Donc il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour arriver à comprendre ça. Que protéger particulièrement les parlementaires, eh bien c'est protéger la liberté d'expression et la souveraineté du peuple. Mais... je viens sur l'affaire des bassines. Beaucoup d'entre vous se demandent ce que c'est que cette histoire. Alors voilà en quoi ça consiste. On creuse un trou, on y met du plastique et différents moyens pour faire venir l'eau. Alors il y a plusieurs manières d'y faire venir l'eau, soit parce qu'on draine les sols autour, soit parce qu'on compte sur l'eau de pluie, et soit parce que on pompe dans la nappe phréatique et on le verse dans la bassine. La bassine, c'est une grosse cuvette à flotte. Une fois que l'eau est là, On dit c'est pour arroser, pour permettre aux cultures de vivre. Justement, posons-nous la question de savoir quel genre de culture a besoin de cette eau. Et puis regardons les dégâts. Premièrement, 20% de l'eau qui est mise là-dedans s'évapore, avant même qu'on s'en serve. Donc c'est de l'eau qu'on aura prélevée à un endroit pour le mettre à un autre et qui, pour finir, est perdue pour tout le monde. Pour 20%, c'est pas rien comme proportion. Et ensuite, voyons voir ce qui se passe avec cette eau, à quoi elle sert, pourquoi on en a besoin. Il n'y en avait pas avant de bassines. Et pourtant, il y avait une agriculture qui fonctionnait. Mais cette agriculture faisait autre chose. C'était une agriculture vivrière, maraîchère. On plantait des choses qu'ensuite on mangeait. On a remplacé ça par une agriculture industrielle qui produit du maïs. Voilà, pour leur nez. Le maïs, c'est pas la reine des plantes, hein. Le blé non plus, mais le maïs non. Alors ça consomme beaucoup, beaucoup d'eau, et on leur met de l'eau, comme ça, pendant l'été, pour que ça pousse. Bon. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on décide de cultiver du maïs? Parce qu'on va accéder au marché mondial, mais on s'en fout du marché mondial. Ce qui compte, c'est qu'on ait ici même les productions vivrières dont on a besoin. Et si vous faites des productions vivrières, vous n'avez pas besoin de bassines. Là, il s'agit d'en construire une ribambelle, pas une. Hein. C'est pas, les gens qui sont en mouvement ne sont pas contre une bassine. C'est contre plus d'une dizaine de bassines qui vont être installées et qui vont servir à arroser des champs de maïs. Donc nous mettons en cause aussi le fait qu'on mette du maïs à cet endroit-là du pays, parce qu'on ne voit vraiment pas pourquoi on le fait. Autre conséquence, donc on a fait tout ça pour le maïs. Maïs qui, lui, pour pousser correctement, a besoin d'un paquet de pesticides. Donc mettre les conditions qui rendent possible la culture du maïs, c'est amener avec soi les conditions pour que encore des tonnes et des tonnes de pesticides soient balancées sur cette plante. Et puis c'est pas fini. Une fois que vous avez pris l'eau, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, toute cette flotte qui est là, qui est dans ces bassines, c'est autant qu'elle est pas dans la terre. Bon, ouais, vous réfléchissez. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je vous explique. Quand l'eau qui était dans la terre passe dans la bassine, elle est remplacée par quoi? Par de l'eau. Laquelle? L'eau de mer. Donc vous avez une salinisation des sols, parce que l'eau douce recule, puisqu'on la met ailleurs, et avance l'eau de mer qui salinise les sols et les rend impropres à quelque production que ce soit. Ça commence par une période pendant laquelle il y a une baisse de rentabilité. Donc on rajoute des pesticides, des engrais et compagnie pour faire pousser ce maïs qui sert à nourrir des poulets chinois, des cochons aux Indes et je ne sais quoi encore. Donc notre critique des bassines, c'est d'abord une critique qui concerne la perturbation du cycle de l'eau. Il va falloir arrêter de considérer qu'il y en a tellement qu'on s'en fout de savoir comment on l'utilise. Non, le cycle de l'eau est entièrement perturbé, nous devons être économes de l'eau. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller sur le site de l'Assemblée nationale, vous cherchez le rapport de Loïc Prudhomme, qui est un député de la Gironde, député insoumis, qui a fait un rapport sur les conflits d'usage de l'eau, et qui dit « ça finira par une guerre de l'eau », et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Parce que il ne faut pas que vous croyiez ce qu'on vous raconte. Ce ne sont pas les paysans de cette zone qui veulent les bassines. C'est certains paysans, ceux de la grande agriculture industrielle, c'est-à-dire 11% des paysans. Par contre, tout est payé, pour l'essentiel, par l'État et par la collectivité, les collectivités publiques. Autrement dit, ce sont les impôts de tout le monde qui servent à payer des installations qui sont nocives à un bien commun en vue d'une production agricole qui ne sert que quelques-uns et qui ne sert en rien ce dont nous avons besoin dans notre pays. Ça fait autant de raisons de considérer que ces bassines sont nuisibles. Là-dessus, le ministre de l'Intérieur a inventé une nouvelle expression, éco-terrorisme. Hein. C'est-à-dire qu'il considère que tous les militants écologistes qui sont là, qu'ils soient insoumis, qu'ils soient Europe Écologie Les Verts, qu'ils soient ce qu'on voudra, qu'ils soient rien du tout, qu'ils n'ont pas d'affiliation politique, sont à la limite du terrorisme, parce qu'ils essayent d'impressionner, de faire peur et tout ça. Mais ceux qui font le plus peur aujourd'hui, c'est pas les écologistes qui sont là, c'est ceux qui leur tirent dessus et qui tapent dans le tas, comme d'habitude, en faisant n'importe quoi. Et je rappelle qu'on ne s'indigne pas pour rien, parce que déjà eu des conséquences, ce genre d'histoire. Hein. Ça a été la mort de Rémi Fraisse, qui faisait partie de gens qui protestaient contre un barrage, enfin, en fait, c'est un stockage d'eau, de même nature, et qui, dans un choc qui avait lieu la nuit, a reçu une grenade qui avait été tirée en cloche. Hein. Donc la grenade est partie, lui était dessous, cloque, elle est tombée dans ses affaires, elle a explosé, et il en est mort. C'était, à l'époque, le ministre de l'Intérieur était Monsieur Bernard Cazeneuve. Bon, personne n'a assumé la responsabilité de cette histoire, et c'est un pauvre gendarme qui s'est retrouvé à devoir en répondre à la place de tous les autres, alors que lui, il n'avait fait qu'une chose, obéir, hein, et il avait fait un tir en cloche, il visait personne. Hein. Bon, mais tous les responsables à tous les étages qui, eux, avaient donné comme consigne « Allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut être dur », pas un n'a eu le moindre problème avec qui que ce soit judiciaire, et à la fin, ça a terminé. Moi, je dis donc aux gendarmes et aux CRS qui sont utilisés dans ces circonstances, oubliez pas ça. S'il y a le moindre problème, c'est sur vous individuellement que ça va retomber. Pas parce que moi je le demande. Moi je demande que ce soit les politiques qui restent responsables des actes qu'ils ont ordonnés. Eh bien c'est ça qui s'est passé dans le cas de Rémi Fraisse. C'est un gendarme qui a fait l'objet de poursuites judiciaires, etc., etc. Bon voilà, je voulais remettre dans son contexte cette histoire du Marais Pointe-Vin. Et maintenant je passe sur un autre sujet. Vous avez tous suivi la victoire de Lula au Brésil. Donc Ignacio Silva da Lula a été élu président de la République brésilienne. C'est la troisième fois qu'il est élu, et je crois que c'était sa 7e ou 8e candidature, 7e je crois, à l'élection présidentielle brésilienne. Lula, comme vous le savez, c'est la gauche, mais c'est plus que la gauche au sens traditionnel du terme, parce que c'est Lula et ses amis qui, en créant le Parti des Travailleurs au Brésil, a donné le coup d'envoi d'une série qui ensuite a abouti à des pouvoirs de gauche, ou en tout cas des pouvoirs en rupture avec le néolibéralisme, à peu près partout en Amérique latine, au point que il y a eu de tels bouleversements qu'ils ont fini même par impressionner sur les États-Unis d'Amérique, et ça avait donné lieu à l'époque à l'élection de M. Obama. C'est dire que cet homme a joué un rôle clé, parce qu'il a remporté la victoire au bon moment, avec la bonne organisation du Parti des Travailleurs. Et nous, en Europe, on s'était tous mis à faire pareil, c'est-à-dire à faire des fronts qui se transformaient en partis. Moi, j'espérais que le Front de Gauche devienne un grand parti commun. Bon, ça n'a pas été possible parce que les communistes n'ont pas voulu faire quoi que ce soit de semblable, et donc on a créé autre chose, on a fait un mouvement comme l'ont fait les Espagnols. Bref, il y a toute une histoire qui nous lie de très près d'une expérience à l'autre, d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Et pour cette élection, vous avez vu partout, moi, quelque chose qui m'a écœuré de voir dans les médias qui vraiment sont toujours en dessous de tout, hein. Faut rester optimiste, peut tomber plus bas. Mais alors, c'est après qu'il ait fait de la prison, comme si c'était normal. Non, il n'a pas fait de la prison parce que c'était normal. Il a été mis en prison par un juge pourri, qui s'appelle le juge Moreau, qui faisait une opération, lavaggetto, ça veut dire on nettoie tout, les mains propres, quoi, en quelque sorte. Et il était accusé d'une série de trucs, sans aucune espèce de preuve, notamment d'avoir reçu comme pot de vin pour être corrompu un appartement. Alors Lula a dit, bah, très bien, vous allez me dire où il est, parce que moi, j'en ai jamais eu d'appartement à moi. Et alors, le juge a été incapable de dire où était cet appartement et pourquoi, parce qu'il n'existe pas. Si bien qu'il a été inculpé sur l'intime conviction du juge. On n'avait jamais vu un truc pareil. Ils l'ont foutu en tôle. Et il y avait un paquet d'incriminations. C'est même un cas typique mondial de ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation de la justice pour des fins politiques. Alors je signale juste pour mémoire que le juge pourri en question, il a reçu le juge français qui est venu perquisitionner chez moi, qui était allé là-bas pour, tenez-vous bien, les échanges de bonnes pratiques. Alors nous on a dit, vous allez nous dire ce que vous avez retenu comme bonnes pratiques pour qu'on en parle. Hein. Impossible d'avoir le rapport. Bon, il faudra qu'on leur demande de nouveau. Mais à partir du cas brésilien, c'est répandu la méthode du lawfare, ça s'appelle comme ça, qui est l'instrumentalisation de la justice. Il y a toujours un beau prétexte, hein. Et toujours la même boucle, c'est-à-dire des journalistes dénoncent quelque chose, le juge s'en saisit, au nom du fait qu'il s'en est saisi, fout les gens en tôle, et ainsi de suite, et après, ça se met à tourner comme ça, en boucle, chaque fois qu'il y a une nouvelle information, elle est relayée, elle entretient l'impression qu'il y a une affaire. C'est arrivé à un tel point que même le pape s'en est mêlé, en disant qu'il fallait arrêter avec ce genre de méthode, parce que c'est dans le monde entier que des gens se font arrêter, mettre en prison, et toujours avec des incriminations incroyables, c'est escroquerie en bande organisée, ceci, cela, personne vérifie si c'est vrai ou pas, quelle est la nature des preuves. Voilà ce qui est arrivé à Lula, et voilà pourquoi il était en prison, et voilà pourquoi moi, je suis allé le rencontrer en prison, et j'ai donc rencontré Lula dans sa prison. C'est pour vous dire que j'ai pu voir la force, ce qu'il a dit l'autre soir. Il a dit, croyez, mon terre est vivant et je suis là. Bon, c'est énorme. C'est une leçon de ténacité et de courage. Si Lula avait craqué, je pense que tout le monde aurait été la débandade partout. Parce que dans plein de pays d'Amérique latine, des camarades, des copains, sont encore sous des paquets d'incriminations. On ne peut plus rentrer chez eux, comme Rafael Correa, je ne sais pas combien il y en a, je crois 118 incriminations de justice. Ils essayent de le faire passer pour corruption, et pour un corrompu, ce qu'il n'est pas. Et là, je voyais encore dans une annonce de presse dire « Il a passé du temps en prison pour corruption hein. ». Non, il n'a pas passé de temps en prison, Lula, pour corruption, parce qu'il n'est pas corrompu. Celui qui était corrompu, c'était le juge. c'était le juge qui était corrompu. Et les autres juges, ça les a saoulés de faire la sale besogne, et ils ont fini par dire, écoutez, maintenant, tout ça tient pas debout, et ils ont cassé toutes les incriminations contre Lula et toutes les condamnations. Parce que la partie, quand même, c'est le Brésil, c'est un grand pays, ils ont une dignité, ils ont une justice, et les juges essayent de faire de la justice, du droit, pas des règlements de compte politiques. Donc ils se sont ressaisis, les juges, et ils ont arrêté la procédure de la offert. Et évidemment, le juge pourri, lui, il est réfugié aux États-Unis, hein, parce que il faut bien que ces gens-là aillent quelque part. Donc, la victoire de Lula. Mais c'est pas pour parler de cet épisode que je viens vous voir. Je vous parle de ce que Lula, ce qu'on va avoir en commun avec lui. C'est que 60% de la forêt amazonienne, qui joue le rôle que vous connaissez dans l'équilibre global du climat, encore que, à force de dévastation, c'est plus sûr du tout que l'Amazonie soit un régulateur, mais en tout cas, si l'Amazonie était détruite, ça serait une très grande dérégulation du climat. Et lui, Lula, il faut dire les choses comme elles sont. Comme beaucoup de nos copains en Amérique latine, au départ, ils étaient écologistes, mais piano molo, quoi. Du genre, oui, bah tu comprends, vous les Européens, vous avez d'abord développé votre industrie, et maintenant vous venez nous casser les pieds en nous disant ce qu'on ne doit pas faire. Mais nous, il faut quand même bien qu'on utilise nos richesses naturelles. C'est ça qu'il disait lui, et que d'autres ont dit, hein, en Amérique latine, y compris dans nos rangs, dans les partis de gauche. Et on a eu beaucoup de mal dans les discussions, on avait du mal à se comprendre, parce que nous, on leur disait, mais c'est pas une affaire de pression du monde du Nord sur le monde du Sud, parce que bon, d'abord, hein, c'est un numéro qui est un peu daté, quoi. Le Brésil est la 10e puissance du monde. Un jour ou l'autre, mécaniquement, le Brésil va rattraper la France. Parce que c'est un pays bien plus grand, bien plus peuplé, où il y a bien plus de monde qui est occupé à travailler et à produire. Par conséquent, son destin est tout tracé. Non, il s'agissait de faire comprendre qu'il y avait un intérêt général humain. Et je dois dire, Lula, au départ, il se fâche avec sa ministre de l'écologie. Enfin bon, dans les discussions, on voit bien que lui et l'état-major du Parti des Travailleurs n'étaient pas convaincus de cette histoire-là. Entre-temps, il a travaillé, réfléchi, lu. Et sa position s'est complètement transformée. D'ailleurs, en cours de route de son propre mandat, au début, ça bat des records d'exploitation de l'Amazonie, il se fâche avec pas mal de monde, et puis il comprend, et à ce moment-là, l'exploitation de l'Amazonie redescend, et descend à son niveau le plus bas historiquement, sous sa présidence. Et maintenant, il dit, nous allons arrêter le carnage en Amazonie. Nous allons arrêter. On va arrêter de déforester, on va combattre les mines illégales, etc. On va punir les incendies volontaires, puisque l'été dernier, il y a eu plus d'incendies en Amazonie qu'il n'y en avait jamais eu auparavant. Donc clairement, ce sont des incendies criminels destinés à débroussailler, en quelque sorte, l'Amazonie pour pouvoir mettre des cultures à la place ou d'autres choses. Alors nous, bon, un, bonne nouvelle, quelqu'un gagne une élection, il décide d'arrêter de saccager l'Amazonie. Deux, c'est un de nos amis. Trois, je le rappelle, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien leurs arguments insoumis sur le bout des doigts, la plus longue frontière de la France, elle est en Amazonie, elle est le long du fleuve Oyapock. Enfin, moi, ce que j'en ai vu, c'était pas vraiment un fleuve, ça m'a plutôt fait l'effet d'une rivière. Mais bon, la rivière Oyapock, c'est la partie qui touche le Brésil. De l'autre côté, c'est le Brésil. Moi, je suis allé là-bas pour voir, et j'ai vu ce que c'est. Donc, nous avons une forêt en commun avec le Brésil. Alors, attention, les amis. À partir du moment où les Brésiliens vont se mettre à combattre plus durement l'orpaillage. L'orpaillage, vous savez ce que c'est? C'est ramasser de l'or. C'est une zone qui est très aurifère. Celle qui est, qui va du Brésil à la France. Hein, enfin, à la Guyane française. Donc, cette zone-là est très aurifère. Mais c'est au point que vous allez dans la rivière, vous trouvez de l'or. Bon. Alors, il y a des bandes qui passent. Les Brésiliens rigolent pas, hein. Je veux dire, c'est vraiment des violents, y compris l'armée brésilienne. Elle va, elle tape, elle tue, elle brûle. Bon. C'est leur méthode de combat contre l'orpaillage illégal. Nous, les Français, on y va plus raisonnablement. C'est-à-dire qu'on y va de temps en temps et on détruit tout. C'est-à-dire qu'on casse les pompes, on casse les machines à faire couler la flotte pour trier l'or du reste des choses qu'on a ramassées. Bon, voilà comment fait l'armée française qui est là, qui est sur la rivière Oyapock. Alors, cette méthode fait qu'il n'y a jamais de meurtre. On tue personne, personne nous tue. Bon, une fois c'est arrivé que des orpailleurs aient tiré sur nos gendarmes ou nos militaires, bon, ils auraient mieux fait de faire autre chose, parce qu'il leur en a cuit après, et c'est bien normal, hein, ça ne sera pas faire. Mais la méthode en général, c'est d'éviter de transformer l'Amazonie en une zone de guerre entre orpailleurs, qui sont en général des pauvres diables, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. Et puis évidemment, il y a des gens qui sont envoyés là par des trafiquants qui les envoient en tant que main-d'œuvre. Donc on a raison de leur tomber dessus, de les arrêter, de détruire le matériel chaque fois qu'on peut. Mais si les Brésiliens se mettent à chasser leurs orpailleurs, devinez où ils vont aller, hein. Ils vont évidemment venir sur le territoire de la Guyane française, et il va donc y avoir sur notre territoire davantage d'orpailleurs illégaux et des bastons entre orpailleurs, parce que, bon, la zone n'est pas si vaste que ça, hein. Elle est là, elle est vaste, mais les bons endroits sont connus des uns et des autres. Donc il faut absolument que la France s'organise d'abord pour réfléchir à la nouvelle situation, commencer des coopérations avec les Brésiliens, peut-être échanger aussi des bonnes pratiques, hein, sur la manière de réprimer leur paillage illégal, parce que dans leur paillage illégal, il y a non seulement le fait qu'on n'est pas d'accord pour ce genre de mine, mais il y a tout ce qu'on met, le mercure, tout ça, pour trier l'or du reste. Donc là, on a un sujet de coopération avec les Brésiliens, et puis on peut avoir des plans de protection de la forêt Amazonie, tous les deux ensemble, voilà, les deux pays, parce que les Brésiliens sont nos voisins. Je le dis, je le répète, la France est un pays d'Amérique latine. Alors, c'est par l'intermédiaire de la Guyane, qui est sur le territoire du continent, mais c'est aussi par ceux qui sont dans les Caraïbes françaises, ça existe, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe et d'autres îles, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, etc., etc. Il y a d'autres endroits, et nous sommes présents dans cette région du monde. Mais vous savez, si vous voulez voir à quel point c'est incroyable de voir à quel niveau on peut être de bêtises, de choses qu'on fait pas, qu'on est nul, hein, ben vous regardez comment vous faites pour aller en avion depuis Cayenne pour aller au Brésil. Hein. Vous voulez la réponse? Ben il n'y en a pas. Si vous voulez aller de Cayenne à Brasilia, ben vous devez revenir à Paris. Et peut-être même changer votre avion à Amsterdam, parce qu'il n'y a rien organisé. Alors vous me direz, il n'y a pas tant de monde que ça, mais quand même, hein. Alors, tout est comme ça. Il n'y a rien organisé, il n'y a rien qui est fait, il n'y a plus un journal papier qui est tiré en Guyane, il y a pourtant une population de 400 000 personnes. Hein. Bon, tout ça, c'est pas acceptable qu'on traite comme ça un territoire d'outre-mer. Et puis, le changement climatique provoque en Guyane un changement particulier. Ce changement, c'est que l'air y devient plus humide et que parmi les projections à 2050, 2070 ou à la fin du siècle, on aurait... parmi les prédictions les plus catastrophistes, un niveau d'humidité de l'air qui serait incompatible avec la vie humaine. Et si c'est avec la vie humaine, ça doit être avec un paquet d'autres réalités de la biodiversité, bref, du monde du vivant. Voilà pourquoi je veux vous dire que l'élection de Lula nous concerne politiquement, évidemment, mais nous concerne aussi en tant que territoire français. Bon, mon dernier sujet, c'est le droit de mourir dans la dignité. Moi, ça fait des années que je suis engagé sur ce thème, aux côtés de ceux qui mènent cette bataille de manière très brave. Bon, je résume, hein. On n'est pas tous d'accord sur jusqu'où il faut aller. Pour ma part, comme homme, je suis pour le droit au suicide assisté. Pourquoi je vous dis pour ma part et comme homme? Parce que je pense que c'est une question qui peut nous partager, pas nous diviser, nous partager. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même avis, parce que ce n'est pas, à proprement parler, un sujet politique. C'est un sujet philosophique, c'est un sujet moral, et dans ces domaines, la répartition des gens ne suit pas toujours les frontières politiques. Et il faut respecter ça, parce qu'on entre dans des domaines extrêmement pointus de l'existence humaine. Moi, j'appartiens au courant de l'humanisme philosophique, donc pour moi, l'être humain est l'auteur de sa propre existence, et il doit l'être jusqu'au bout, dans tous les aspects propriétaires de lui-même. C'est la même raison qui me fait être pour le suicide assisté, qui me fait être pour l'interruption volontaire de grossesse. Bon, l'interruption volontaire de grossesse, je veux rappeler que ça veut dire que c'est la femme qui est propriétaire de son corps et qui décide ce qu'elle fait avec son corps. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'interrompre ses grossesses. J'espère que personne n'en est à ce niveau d'argumentaire risible. C'est une liberté. Et de cette liberté, chacun fait l'usage qu'il le pense le meilleur en fonction de sa norme morale ou religieuse, parce que dans nombre de religions, on considère que l'avortement n'est pas acceptable, et il faut respecter ceux qui pensent ça. Mais il ne faut pas que eux pensent à obliger les autres à vivre d'après leurs normes. Voilà pourquoi la liberté, la République, la loi républicaine, se met toujours du côté de la liberté. Alors, pour l'instant, on est en train de parler du droit de mourir dans la dignité quand on a une maladie incurable et qui provoque... une déchéance, ou ce qu'on considère comme une déchéance à condition de vie. Alors je sais que des copains m'ont dit, ouais, ça c'est un raisonnement de gens en bonne santé. Parce que quand on s'approche de la mort, eh ben, la principale préoccupation qu'on a, c'est de vivre quand même. Bon, moi je l'entends et je ne réponds rien à ça. Je pense que chacun peut se faire son idée sur le sujet, qui fait bon écouter ceux des nôtres qui ont une pratique de ces questions, et il ne faut pas qu'au nom du droit de mourir dans la dignité, on finisse par dire, ben, puisqu'on a le droit de mourir dans la dignité, très bien, il n'y a plus besoin de s'occuper des soins palliatifs et des gens qui sont dans la phase ultime de leur existence, et qui pour autant, même si ils ont décidé de ne pas se suicider, ont le droit d'être accompagnés pour pouvoir être dans la dignité. D'accord ? Il ne faut donc pas que ça serve de prétexte. Mais en attendant, il faut quand même qu'on en ait le droit. Et c'est pour ce droit que se battent des gens d'une manière tout à fait admirable, parce que vous imaginez que ce n'est pas le genre de sujet particulièrement joyeux qui permet de faire du lien social entre gens, mais qui appelle la réflexion philosophique. Et en particulier, celle qui consiste à dire que l'ultime liberté de l'être humain, ce qui fait que vous êtes un être humain, c'est que vous assumez et vous êtes titulaire, dépositaire d'une liberté. La liberté de disposer de vous-même. Et dès lors, cette liberté, elle est fondamentale, elle décrit l'identité humaine. Ce que nous sommes, c'est d'abord libre, c'est-à-dire apte à la liberté, et deuxièmement, perfectible. Hein. Et moi, je rajoute, et troisièmement, responsable. Parce que les êtres humains, on peut détruire absolument tout le reste de la biodiversité, ce que le reste de la biodiversité ne peut pas faire. Hein. Non. Donc voilà ce qu'on est, nous. Libre, perfectible, responsable. Ce sont les caractéristiques qui vous fondent en humanité. Aucune autre espèce vivante n'est dans cette situation. Donc chacun des compartiments doit être soigneusement protégé et entouré. Et quand vous en êtes au point où vous ne supportez plus la déchéance physique, où vous n'acceptez plus la douleur, où vous n'avez plus envie de vivre parce que ce qu'il en reste ne vous paraît pas convenable, ou ne vous paraît pas désirable. Eh bien alors, la suprême manière d'être humain, c'est soit de supporter, parce qu'on pense que ça fait partie de sa morale, soit, comme on ne peut plus supporter, d'en finir. Et si on a la possibilité d'en finir, d'éteindre la lumière, comme je l'ai dit une fois, et c'est surtout une très jolie chanson de Juliette, si on peut éteindre la lumière, alors, en le décidant et en le faisant, on est pleinement un être libre et responsable. Parce que, pardon, j'utilise des arguments qui correspondent à ma propre vision des choses, on n'inflige pas aux autres l'interminable souffrance pour eux de vous voir souffrir, vous, ou de vous voir être dans la déchéance. Parce que on assume la responsabilité de prendre une décision qui, d'une façon ou d'une autre, concourt aussi à une certaine forme d'harmonie entre les êtres qui vous entourent et qui, dans cette circonstance, peuvent être appelés à participer à votre départ. Comme au fond, quand vous arrivez aussi, il faut bien qu'il y ait du monde hein, pour l'accueil. C'est la sage-femme, c'est le couple, c'est les gens qui sont autour de vous. Voilà, les êtres humains peuvent, par cette liberté, assumer d'être complètement, totalement et jusqu'au bout humains. Nous autres, les insoumis, quand on a eu constitué notre groupe dans la précédente mandature, on a quasi immédiatement déposé une proposition de loi pour le droit de mourir dans la dignité. Et je crois que c'est Caroline Fiat qui portait cette loi-là, au nom de tout notre groupe, parce que plusieurs d'entre nous dans le groupe étaient engagés sur ce sujet depuis déjà pas mal d'années. Si ça vous intéresse, moi j'ai fait un discours devant l'association en 2012, au moment de la campagne présidentielle, parce qu'ils nous avaient fait tous passer. Et moi j'en avais gardé un souvenir assez fort. Bon, en tout cas, nous on a déposé une proposition de loi, elle a été déposée dès 2018. Monsieur Macron a dit qu'il réunissait une convention citoyenne pour imaginer de déposer une proposition de loi en 2023. Bon, pourquoi pas, on n'a pas trop confiance, parce que la dernière fois qu'il a fait une convention citoyenne, qu'est-ce qui est resté à la sortie ? Rien du tout, après avoir dit qu'il appliquerait tout, mais enfin bon, ça se refuse pas des choses comme ça, parce que c'est une manière de parler, d'écouter, d'entendre, de rassembler des arguments, peut-être d'impliquer des gens qui y réfléchissent, qui n'ont jamais réfléchi jusque-là à cette question, qui voient bien, vous savez, c'est pas simple à décider, hein. Donc c'est bien d'entendre toutes sortes d'arguments, et des fois ça peut vous permettre aussi vous-même d'avoir un choix, une attitude, une position morale et philosophique sur un sujet qui est moral et philosophique, et comme toutes les questions humaines, hein, ça se tranche pas comme ça, hein, c'est pas simple. Et vous savez qu'il y a toujours une zone d'incertitude, et ben c'est bien d'être confronté à l'incertitude, parce que ça oblige à réfléchir. Tout à l'heure, je vais aller à une sorte de rassemblement qui est à Place de la République, parce que je pense que ça fait toujours du bien à ceux qui sont là, qui mènent leur bataille, de voir qu'ils sont compris, ils sont entourés. Je pense que je vous y représente, d'accord ? On va dire comme ça. Bon, si cette revue de la semaine vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, parce que ça nous donne le moral à Maxime et à moi. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous la découvrez. De toute façon, c'est gratuit et ça le sera toujours. Et puis, vous êtes pas mal, et même nombreux. Il y a sur cette chaîne YouTube, maintenant, plus de 800 000 personnes qui sont abonnées. Ah, hélas, pour moi, je n'ai pas les 800 000 voir chaque revue de la semaine. Mais il y a beaucoup de choses qui circulent, qui sont sur cette chaîne, parce que maintenant, ça s'appelle comme ça. Voilà, si vous voulez me voir confort, vous prenez YouTube sur votre téléphone portable. Toc, toc, toc, vous passez sur cette chaîne, et puis vous appuyez dans le petit carré qui est en haut, et toc, ça passe direct sur votre télé. Si elle n'est pas trop ancienne, hein, si elle est récente, à tous les coups, ça passe direct dessus, et vous me voyez à la télé, grand écran, grand format. Voilà, merci, à bientôt. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon. Dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trigue, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition. Des craquants sans brémeuse, des forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Bonjour, je suis Benjamin Dessus de l'association Global Chance, et aujourd'hui on va parler de l'état des lieux de la situation énergétique française. Quand on parle de l'état des lieux, de cet état des lieux, il faut se poser à la fois des questions sur les consommations d'énergie des Français, et puis de la façon dont est produite cette énergie ou est importée cette énergie qui nous arrive et dont nous utilisons finalement un certain nombre des moyens. Alors, quand on regarde cette consommation des Français, il est intéressant de la regarder à travers ce graphique. À droite de ce graphique, vous trouvez ce qu'on appelle l'énergie finale. Les différentes énergies finales sont finalement les produits énergétiques que nous utilisons chez nous. Le carburant qu'on met dans sa voiture, l'électricité qui arrive aux bornes de notre compteur, le gaz qui arrive pour nous chauffer, quelquefois la chaleur qui nous est distribuée par un réseau de chaleur, le bois, la biomasse ou le soleil qui nous arrive directement chez nous. Voilà les énergies finales. Vous voyez, ici, une grosse énergie finale. Quand on regarde ce qui se passe dans le bilan français en 2011, ça, cette année, c'est 2011, le pétrole, les produits pétroliers, C'est le très gros morceau, vous voyez l'épaisseur de cette flèche, c'est presque c'est 45 ou 46% du total, suivi de l'électricité qui ne fait que 22 ou 23% du total, alors qu'on a toujours l'impression que l'électricité est très importante dans notre pays, suivi du gaz naturel, qui nous sert surtout à nous chauffer, un petit peu de biomasse ou d'énergie renouvelable, vous voyez, en vert, et un tout petit peu de charbon utilisé directement dans des chaudières, soit par les particuliers, surtout par les industriels. Donc vous voyez, le paysage de l'énergie finale en France, avec une grosse importance, tout à fait énorme, du pétrole, encore des produits pétroliers dans notre bilan, presque la moitié. Pour obtenir ces produits, il a fallu partir de sources primaires. Qu'est-ce qu'on appelle des sources primaires ? Ce sont les mines, les produits qu'on sort des mines et qu'on va raffiner, mettre en état pour en faire des produits énergétiques utilisables par les gens. Par exemple, le pétrole qu'on raffine pour faire un produit pétrolier, soit du fioul, soit du gazoil, soit de l'essence, plus ou moins raffiné, plus ou moins sophistiqué. La même chose pour faire de l'électricité, on prend des produits où on utilise du vent, où on utilise du charbon, où on utilise du pétrole, etc. Bon, donc il faut essayer de comprendre les flux qui amènent de cette énergie finale à l'énergie primaire. Les énergies primaires, c'est donc le charbon que vous avez là. C'est cette petite flèche, vous voyez que c'est pas très gros. Le pétrole qui est là. Ici, le gaz naturel. Et puis ici, quelque chose qui nous est relativement inconnu, parce que personne n'en parle jamais, c'est l'uranium. Ce gros machin violet, c'est de l'uranium. Et puis ça, c'est les énergies renouvelables, le vert. Alors quand on regarde le bilan, vous voyez que on n'est pas du tout dans la même situation que pour l'énergie finale. Le pétrole, ça n'a pas tellement changé. On en a un petit peu qui s'en va dans le raffinage. Vous voyez, les flèches verticales, ça représente l'énergie qui est perdue dans les transformations. Parce que quand on fait des transformations, on perd toujours un peu d'énergie. Pour le pétrole, on perd un petit peu d'énergie au passage, en raffinant, parce qu'il faut chauffer pour raffiner. Pour le gaz naturel, on en perd un tout petit peu dans le transport. Vous voyez, cette toute petite flèche violette. Et puis là, on arrive à l'uranium. L'uranium, plus d'ailleurs un peu de charbon qui arrive pour faire de l'électricité, plus un peu de gaz pour faire de l'électricité, et on arrive à cette énorme flèche primaire. Et puis on s'aperçoit que l'électricité qui arrive au bout, elle est toute petite, à peu près un tiers de ce qu'on a mis au début, vous voyez, et les deux tiers, ben ça s'en va aux petits oiseaux ou dans l'eau, c'est des pertes simplement. Autrement dit, pour l'électricité, entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a une différence considérable, en gros on perd les deux tiers de l'énergie qu'on a mis dedans. Donc voilà à quoi ressemble ce bilan. Alors, quand on regarde en énergie primaire, l'uranium devient très important, il représente presque 40 ou 45%, presque 45% du bilan total, suivi du pétrole et du gaz. Alors qu'en énergie finale, vous voyez que l'électricité qui provenait en grande partie de l'uranium était tout à fait négligeable. Donc il faut faire attention à ces deux bilans qui n'ont pas du tout la même allure si on veut comprendre comment marche le système énergétique français. Qu'est-ce qu'on voit encore sur ce graphique ? Très aisément, c'est que l'importation, nous dépendons terriblement de l'importation de tas de produits. Pourquoi ? Le pétrole, en France, il est quasiment totalement importé. Le gaz, il est quasiment totalement importé. Et puis l'électricité, on nous explique que l'électricité, elle est française. Mais c'est complètement faux, puisque tout l'uranium, c'est-à-dire toute cette grosse flèche violette, est importée. Donc par conséquent, vous voyez, quand on additionne ça par rapport à ce qui reste, le charbon étant lui-même importé, il nous reste ça en gros pour faire notre indépendance énergétique, c'est ridicule. On est plutôt autour de 5 ou 10%, plutôt 10% d'indépendance énergétique, alors que le discours officiel consiste à nous dire qu'on est à 50%, un peu plus de 50% d'énergie. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder comment a évolué l'indépendance énergétique de la France depuis qu'on fait du nucléaire. Si on regarde une petite courbe comme ça, là, vous avez l'année 1970. Là, vous avez l'année 2010 ou 2012. Ici, vous avez à peu près 30%. C'était l'indépendance énergétique de la France. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'indépendance énergétique ? C'était le rapport, si vous voulez, entre ce qu'on consomme chez nous et ce qu'on produit chez nous. Et le taux d'indépendance, c'est ça. En 1970,

un pastis pour les hommes, aux dames un quinquina. Ils rêvent de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, ils recomptent les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Ils grenouillent à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Revue de presse. Alors, pour un retour à l'emploi plus rapide, une approche intégrée. Alors que les entreprises vosgiennes peinent à recruter, les Vosges comptent plus de 11 000 bénéficiaires du RSA. Alors, j'ai souligné le mot bénéficiaire. Celui qui a écrit ça, il n'est pas honteux? Hein? Il mériterait d'être au chômage pendant un an ou deux. Celui qui a écrit ça. Bénéficiaire du RSA. Bénéficiaire. Ah oui. Un journaliste, c'est un métier qui est bien, hein. Ah, ça dépend comment on le fait. Ça dépend. Après la free party, place désormais au nettoyage. Alors free, F-R-E-E, plus loin P-A-R-T-Y. Alors c'est écrit au-dessus. In Französisch, bitte schön. Kana est une petite fille cambodgienne. Un après-midi, alors qu'elle est âgée d'à peine 7 ans et qu'elle joue tranquillement près de sa maison, non loin de son père, un souffle puissant balaye soudainement tout sur son passage. Kana est violemment projetée en l'air. Quand elle reprend connaissance, sa jambe droite est déchiquetée. Dans les débris, gît le corps de son père. Amputée au niveau du fémur, Kana avec vécu un véritable cauchemar. Une bombe abandonnée lui a volé à la fois sa jambe et son papa. Oui, voilà. Ben, l'espèce humaine, elle est très humaine, l'espèce humaine. Très humaine. Les humains, c'est pas des bêtes, c'est pas des bêtes féroces. Ce sont des êtres intelligents, sensibles, etc., etc. Gérard Miller. Ça, au moins, c'est sûr. Question style, Mélenchon prenant la parole à Reims. Ça a une autre gueule que les exhalaisons de Zemmour. Les éructations de Le Pen. Les fanfaronnades de Macron. Ou les palinodies de Bertrand. Oh, Gérard Miller, il est sévère, hein. Il a raison. La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. Or, en mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. 1960. L'homme de confiance de Hitler devient chef suprême de l'OTAN. Je répète, 1960, l'homme de confiance de Hitler devient chef suprême de l'OTAN. En 1907, Adolf Heusinger entre dans l'armée allemande. Le lieutenant Heusinger participe à la bataille de la Somme et blessé à Arras et fait prisonnier par les Britanniques qui le libèrent en 1919. Heusinger rejoint alors son unité et suit brillamment les cours d'état-major de l'école de Cassel avant d'être affecté à l'état-major secret de la future Wehrmacht en 1929. Puis, en 1933, Hitler l'incorpore dans son état-major opérationnel. Alors, le Führer, qui n'accorde sa confiance qu'à de très rares personnes, le charge de réaliser plusieurs plans d'invasion dès 1940. En 1941, c'est Heusinger qui est chargé de concevoir l'opération d'invasion de l'URSS. Sa guerre éclair prévoit l'élimination de 30 millions de Slaves. L'élimination de 30 millions de Slaves et l'incendie des villes et villages. Les résistants devront évidemment être pendus et les responsables politiques soviétiques systématiquement abattus sur place. En août 1942, le général Heusinger orchestre lui-même les exterminations. Sur ordre du Führer, la Gestapo et les SS sont placés sous son commandement direct. En 1945, les SS et les membres de la Gestapo sont condamnés par le Tribunal international militaire pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Heusinger, lui, n'est pas inquiété. Il occupe même le poste le plus élevé de la hiérarchie militaire de la République fédérale d'Allemagne jusqu'en 1960. Cette année-là, à Washington, Adolf Heusinger est élu chef suprême de l'OTAN, NATO, par l'ensemble des chefs d'état-major des pays membres. En 1962, le député communiste Florimond Bont découvre dans les archives du KGB le rôle qu'Heusinger a tenu pendant la guerre. Il raconte ce qu'il sait dans un livre, Le dossier Heusinger, aux éditions sociales Paris. La diffusion de ce livre choc reste toutefois confidentielle. Hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les lâches, les traîtres, hein? Ah oui. Ah là là là. Il y en a beaucoup des lâches, des traîtres, des faux jetons, des pourris. À la mémoire des travailleurs et du savoir-faire, la France est tombée pour le capitalisme. Dans le Jura amoureuse, l'entreprise de lunetterie Logo ferme. Pour quelques centimes d'économie, des dizaines de gens frappaient une région sinistrée. Mais combien de crédits d'impôts CICE, cette entreprise LVMH, a-t-elle reçu de la part de tous les Français, dont ceux de cette région du Jura? 200 victimes du génocide industriel. Bernard Arnault pèse 30,3 milliards d'euros. Ou 1 728 268 années de SMIC. 1 728 268 années de SMIC. Quelle honte, quelle honte. Eh oui, et les électeurs, ils tiennent pas compte de ces choses-là. Ah non. Ah ben, les électeurs, ils sont victimes, victimes consentantes. Eh oui. Évasion et fraude fiscale, rendez-nous l'argent. Tout va si mal. Le déficit public de la France est énorme. Sa dette également. Alors il est de plus en plus difficile de financer l'école, l'hôpital, la justice, la police, la recherche, l'armée, la culture. De qui se moque-t-on? Tout irait bien sans la fraude et l'évasion fiscale. Les multinationales et les grandes fortunes ne suivent pas les mêmes règles que l'ensemble de la population en refusant de payer les impôts. Ils utilisent des sociétés basées dans des paradis fiscaux. Des montages financiers complexes permettent à ces sociétés de diminuer de façon significative leur contribution fiscale. En témoigne le décalage entre les taux d'imposition des grandes et des petites entreprises françaises. Sociétés de moins de 500 salariés, taux effectif moyen 30%. Sociétés de plus de 2000 salariés, taux effectif moyen 4,1%. BNP Paribas et la Société Générale font environ 30% de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Total paye 0 euros d'impôt. C'est pas 9, c'est 0. Hein. Total paye 0 euros d'impôt sur les sociétés en France. McDonald's, Apple, Engie, toutes les multinationales ont cette même pratique d'échapper à l'impôt. Manque au total pour l'État, 130 à 150 millions d'euros, soit plus de deux fois l'impôt sur le revenu. Fraude fiscale, 60 à 80 milliards d'euros. L'évasion fiscale, estimée à 70 milliards d'euros. Il est possible d'agir, exigeant un programme de lutte contre l'évasion fiscale. Suppression des riches, des niches. Oh, quoique, si on supprimait les riches, ça serait peut-être une chose qui serait naturelle, hein, vous voyez. la sélection naturelle, vous savez. Résorption de la concurrence fiscale entre les pays au sein même de l'Union européenne. Action contre les délinquants fiscaux et les fraudeurs en faisant sauter le verrou de Bercy. C'est-à-dire en permettant à la justice de se saisir des dossiers et d'engager des poursuites en dehors des avis du ministère de l'économie et des finances. Redonner à l'administration fiscale les moyens nécessaires au contrôle. 30 000 emplois y ont été supprimés depuis 2002. Voilà. Alors, il faut adhérer à ATTAC pour agir, pour changer les choses. C'est en lisant The Telegraph qu'il est possible d'apprendre le décès, le 10 avril 2016 dernier, de Madame Jeannette Guyot, média français, aux abonnés absents. Préfère parler de Cantona, de Bouze et compagnie. Madame Jeannette Guyot est partie à 97 ans, discrète, citoyenne, tranquille parmi les autres. Et pourtant, ses 20 ans, elle les passe dans les champs et les bois, à marcher la nuit en silence, fouillant son dos, suivie d'enfants, d'hommes et de femmes, qu'elle délivre de la terreur. La ligne de démarcation n'est pas loin. Officier de liaison du colonel Rémy, réseau confrérie Notre-Dame, elle se fait prendre. Elle est jeune, jolie, les grands manteaux de cuir de la SS vont lui faire payer 3 mois après cet avertissement charnel. Elle part à Lyon. Elle remet le couvert de Vavrin, le relais de De Gaulle en France. La recrute. L'aide noire de la Gestapo la frôle. Les Anglais la récupèrent in extremis le 13 mai 1943. La légère porte de l'Highlander de la RAF s'ouvre. L'avion ne s'arrête même pas. Jeannette court, court, avec dans son dos le sifflement des balles allemandes. À Londres, elle s'ennuie derrière un bureau. Ah oui, une fille qui veut faire la guerre est jolie en plus. Ok, tu vas t'entraîner avec les Américains et les Britanniques à la dure. On prépare le plan Sussex en vue du débarquement. Elle est parachutée en bord de Loire, côté Vendée. Elle repère des zones de largage. Elle part à Paris et monte un clan d'opérateur radio. Tiens, elle s'est intéressée à la radio, elle aussi. Hein, oui, les radios. Ah, les radios. C'est important, les radios. Dans un tabac mitoyen d'un bureau de la Gestapo. Ah oui, bah oui. Bref, une cinglée, une divine cinglée. Un de ces anges aux ailes immaculées qui ont sauvé notre pays de la barbarie. Et rien, pas un mot à la radio, à la télé, dans la presse, sur les réseaux. Toutes ces choses futiles et inutiles qui guident nos choix. Seuls les Britanniques se souviennent. Bizarre, cette amnésie. Chevalier de la Légion d'honneur, comme Mireille Mathieu. Mais croix de guerre avec palme. Cross of the American Distinguished Service, s'il vous plaît. British George Medal. Et officier de l'ordre du British Empire sous le nom de Gautier. Merci madame, merci mille fois, merci à vous tous de partager sa mémoire, de lui rendre hommage. Nous savons qu'elle le mérite tellement. Comment McDonald's échappe à l'impôt? Prix 7,20 €, le Big Mac classique. Que deviennent ces 7,20 €? 24%, soit un quart, sont versés à la multinationale McDonald's, soit 1,80 € au titre de la propriété intellectuelle. Ça paye l'invention de cette sublime recette. Il resterait 5,40 € au restaurant, s'il ne payait pas le loyer. Pour un loyer de 0,80 €, l'encaissement réel serait donc de 4,60 €. Quelles sont les conséquences? Pour les restaurants, chaque restaurant va déclarer des bénéfices faibles, nuls, voire être déficitaire d'où une imposition faible, voire nulle. Pour les salariés, la pression s'exerçant sur eux devient nécessairement forte. Payés au SMIC, travailleurs à temps partiel imposés. Pour 24 heures par semaine, 770 € par mois, prime amputée. Mais pour la multinationale McDonald's, c'est juteux. Rien que pour la France, plus d'un milliard d'euros encaissés en 2014. Combien d'impôts là-dessus? Rien. Zéro. Car ils filent dans les paradis fiscaux, notamment au Luxembourg. L'évasion fiscale Et la fraude fiscale coûte à l'État français de 130 à 150 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois l'impôt sur le revenu ou le déficit public. Multinationales, rendez l'argent que vous nous devez. Mon inquiétude unique devant le journalisme actuel, c'est l'état de surexcitation nerveuse dans lequel il tient la nation. Aujourd'hui, remarquez quelle importance démesurée prend le moindre fait. Quand une affaire est finie, une autre commence. Les journaux ne cessent de vivre dans cette existence casse-cou. Si les sujets d'émotion manquent, ils en inventent. Alors, qui a écrit ça? Hein? Qui a écrit ça? Eh bien, c'est Émile Zola, en 1888. Et c'est toujours valable. C'est toujours vrai. La religion est la pire ennemie de l'espèce humaine. Aucune guerre dans toute l'histoire de l'humanité n'a tué autant que les religions ne l'ont fait.